en partie ce que vous enseignez dans vos stages. On se retrouve nous demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle pour répondre à cette question. C'est quoi la mal-séparation? Pourquoi est-il si difficile et si long aussi de se séparer même lorsqu'on ne s'aime plus? Rendez-vous demain, mais d'ici là je vous souhaite un très bon après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous. On va se retrouver dans un instant, Marion, pour l'antépénultième émission des Pieds dans le Plat avec Valérie Benaïm. Il y a bien sûr Estelle Denis, il y a Jean-Luc Lemoine, c'est la dernière de Jean-Luc aujourd'hui, et notre Jérôme Commander. À tout de suite. À tout de suite Cyril, c'était Marion Ruggieri sur Europe 1. Très bel après-midi à tous, il est 16h. Le Flash, Christophe Carré. Bonjour Christophe. Et bonjour. Chaque foyer victime des inondations recevra en moyenne 500 euros du fonds d'urgence. Déclaration cet après-midi de Manuel Valls. Le Premier ministre annonce également une aide exceptionnelle pour les artisans et les commerçants touchés par les intempéries. Cet après-midi, 15 départements du Pas-de-Calais aux Vosges sont en alerte orange pour les orages. L'épisode doit prendre fin aux alentours de 22h. Grève reconduite contre la loi travail à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. La CGT prévient que sa mobilisation ne faiblit pas dans les secteurs de l'énergie et dans celui du traitement des déchets. À François Hollande, qui lui explique qu'il faut savoir arrêter une grève, le syndicat répond à condition d'avoir obtenu satisfaction. À la SNCF, la CGT laisse les assemblées générales des salariés se prononcer sur le projet d'accord conclu la nuit dernière sur l'organisation du temps de travail. La CFDT annonçait qu'elle allait le signer. L'UNSA, quant à elle, se prononcera demain. Une soixantaine d'intermittents ont fait irruption au siège du MEDEF à Paris avant d'en être délogés dans le calme. L'organisation patronale organisait un colloque sur le contrôle fiscal des entreprises. La Société Générale fait appel de sa lourde condamnation au prud'homme dans l'affaire Kerviel. Elle doit verser plus de 450 000 euros à son ancien trader. Elle est accusée de l'avoir licencié sans cause réelle ni sérieuse et dans des conditions vexatoires. Le Conseil des prud'hommes estime que la banque connaissait les dépassements qu'il avait commis bien avant de le licencier en janvier 2008. La Turquie annonce l'arrestation de 4 suspects cet après-midi après l'attentat de ce matin à Istanbul. L'explosion d'une voiture piégée dans le centre historique de la ville a fait 11 morts et 36 blessés. Elle visait 2 bus transportant des policiers. Le président turc avait aussitôt pointé du doigt la responsabilité des rebelles kurdes du PKK. Très bon après-midi sur Europe 1, 16h02. Vous retrouvez Cyril Hanouna pour les Pieds dans le Plat. Europe 1, 16h-18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous. J'ai 1 kg de chocolat champion M&M. 1 kg, donc pour vous dire, je vais faire l'émission, voilà, je suis pas bien. Hein. C'est le public qui m'a amené 1 kg de chocolat. Voilà, j'en fous partout. Voilà, donc c'est des bleus, blancs, rouges. Hein. C'est les M&M du Front National. Voilà, c'est pour l'équipe de France de foot. Hein, ils sont magnifiques. Voilà, de toute façon, tout va être à l'effigie de l'équipe de France. Hein. Là, ça y est, l'euro, il est parti. L'euro va démarrer. Bien sûr, il y a toujours du galac. On m'amène toujours du galac. Voilà, ouais. Si blanc, si bon. Je crois que c'est aussi, je crois que c'est un message. Hein, non, mais c'est vrai. Voilà, j'adore le galac, moi. Voilà, merci. Je parlerai bien sûr à friandise toute l'émission. Et on m'a amené des loukoums. Ah, oui. Je ne sais pas si c'est un message également. Mais voilà, apparemment, ils les ont achetés dans le magasin de Jérôme Commander. Parce qu'il a une petite loukoumerie juste à côté. Voilà, Jérôme Commander est là, applaudissements. Bonjour. Valérie Benaïm. Bonjour. Estelle Denis. Bonjour. Elle est belle. Jean-Luc Lemoine. Bonjour à tous. Et les chéris, ça sera la dernière de Jean-Luc Lemoine dans les pieds dans le plat. C'est pas vrai. Je quitte l'aventure. Mais oui, parce qu'après il s'en va, il part à Montréal, donc il non, sera Québec, pas là. Québec. Enfin, il part. Ouais. Ce sera pas là mercredi et jeudi. Ah là là. Vous êtes dans la ville de Québec au Québec. Exactement. Ouais. Comme France en France. Comme l'île de France est en France, même. Non, mais franchement, ça me fait quelque chose. Excusez-moi, qui est-ce qui a mis la musique de Obao là derrière? C'est une musique d'ambiance. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais sans déconner. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a Shogun qui va arriver. J'ai envie de bouffer une salade aigre douce. On va bouffer Bélaïve. C'est tout moi. Alors, vous avez vu, hein, je l'ai annoncé. Voilà, donc il nous reste plus que 3 émissions des Pieds dans le Plat. Ça y est, c'est terminé. Estelle Denis, bien sûr, nous, on va continuer à se côtoyer sur D8 et. Sur d'autres voilà d'autres supports. Ah, vous pensez à quoi comme support? Un canapé, un support papier, un support un sommier, un club échangé, un support cuir, un canapé, un sofa, un petit clic-clac. On peut faire ça partout. Estelle? Oui, Cyril. Vous allez me manquer. Eh ben moi aussi. Parce que vous voulez que je vous dise. Dites-moi. À la radio, vous me plaisiez beaucoup. Ah, je sais pas comment je dois le prendre. C'est la suite qui m'angoisse. Non, à la radio, vous me plaisiez beaucoup. Ah. Ouais. Non, vous m'excitiez à la radio. C'est vrai. Non, vraiment. Ah ouais, parce qu'il y a pas l'image. Et ailleurs, elle vous excite pas. Mais vous rigolez, je suis même pas maquillée, tout ça, alors qu'à la télé, je suis maquillée, je me pomponne. Bah ouais, bah justement. Il vous aime nature. Ne vous pomponnez plus. Ouais. Don't you know, pump it up. Non, mais c'est vrai, ne vous pomponnez plus. Elle est belle au naturel, elle. Elle est tout le c'est temps belle. Non, mais, ouais. Alors, c'est hier. C'est un pot de crème. Hier, on s'est vu, hier, je l'ai vu après l'émission. Ouais. Et elle fait genre, elle s'intéresse, elle fait genre, elle connaît la télé. Mais en fait, alors, je vous le dis, je l'adore, Estelle. Mais elle fait genre, elle me demande des trucs. Et Valérie, c'est vrai ou pas? On est d'accord, tous les deux, elle ne comprend rien. Oui, mais ça me fait plaisir. Elle fait des efforts. Bah, elle intéresse aux chiffres. Il y en a un autre qui comprend rien. Aussi qui vous a parlé ce matin, j'ai assisté à une conversation entre Valérie Bélaïm et Jérôme Commandeur. Ah mais c'était une tanasse. Attendez, ce n'est pas mon cœur de métier. Valérie qui est très gentille en plus, qui arrête pas de lui répondre, vous savez comme on répond à un enfant. Non, Slam, c'est 17h. Vraiment, non, mais... Et parce qu'il est mignon, parce qu'il s'intéresse, il essaie de comprendre les mécanismes. J'ai pas cette culture là. Voilà, mais bon, vous êtes c'est plus le cinoche. Ah ouais, c'est, j'essaie modestement. Il y a combien d'entrées là sur votre film là? Sur votre film. Ah, ça c'est très gentil de me le demander. Je crois qu'on va arriver aux 700 000 la première semaine. Waouh, énorme. C'est pas le mien, c'est le film d'Éric Lavenne, Retour chez ma mère, et il y a encore plein de salles disponibles. Hein. Pour moi, c'est le film d'Éric Lavenne, soit, mais c'est également votre film. Parce que votre apparition dedans. Non, pas du tout. Lui, il a une telle empreinte dans le 7e art. Si je peux me permettre une toute petite critique sur ce film, c'est que c'est dommage que Jérôme ne soit pas sur l'affiche, sinon c'était 200 000 de plus. Ben exactement. C'est vrai. En photo, il n'est pas sur l'affiche, dans la valise, mais. Non, mais voilà. Non, mais vraiment, non, mais c'est vrai que vous, déjà, on vous met déjà sur une affiche, on part à 200 000. Ah, ben j'aimante comme les femmes avec Bob Sinclair. Vraiment. Regardez, quand il a fait la pub Sloggy, bah, tout de suite, ça s'est vendu tout. Il a fait la pub Sloggy, lui? Sloggy. Non, il a fait la pub Snoopy. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, non, ça n'a rien à voir. Estelle Denis. Oui, Cyril. Vraiment, je vous le dis, je vous ai rencontré cette année, j'ai plus envie de vous quitter. Ah, c'est génial. Vous avez une peau magnifique. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Que j'ai ouin ce matin. Mais c'est comme ça que vous gardez les gens, vous. C'est parce qu'ils ont une jolie peau. Bah, bien sûr. Bah, ça compte, hein, excuse-moi. Vous savez que je vais travailler chez Oil of Holland. C'est ça le recrutement. C'est pas une jolie peau, tu restes. Bah, oui. C'est un média et dermato ici. Attendez. Ah, ça compte, hein. Non, mais franchement, c'est les dernières. J'aimerais qu'on dise chacun, un défaut et une qualité, des personnes autour de la table. Mais en vrai. Voilà, en vrai. D'accord? En vrai, Jean-Luc. Allez-y, parce qu'en plus, c'est votre dernière. Jean-Luc, un défaut, une qualité de Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, la qualité, c'est sa réactivité. Ah ouais. Sa réactivité, il m'a bluffé toute l'année avec ses personnages. Ses personnages, et parce que il improvisait remarquablement et en même temps dans ses yeux on voyait de la détresse. Voilà quelqu'un qui m'a compris. Voilà. Parce que monsieur me mettait au pied du mur à chaque fois et c'était très compliqué. Pas facile de bosser avec. Et un défaut, c'est une pince. Ah ouais. C'est une pince parce que c'est quand même le seul mec qui se fait habiller à l'année par Lacoste. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est fou ça. Il nous sort des gilets et des t-shirts et des sweatshirts et des baskets et des chaussettes. Lacoste, ils ont fait des produits que pour lui. Même les chewing-gums, ils sont Lacoste, il veut pas les acheter. Non mais sans déconner, c'est un phénomène ce mec-là. Hein. C'est un phénomène. Alors, Estelle Denis. Oui. Estelle Denis, c'est avant tout une très très bonne camarade. Très bonne camarade. C'était un plaisir de travailler avec elle tout au long de l'année. Moi aussi, je l'ai découverte parce que je l'avais vue, j'avais été invité à 100% foot et là, je l'ai redécouverte. D'accord. Et puis, sa qualité, son défaut. Bah, elle s'habille comme une merde. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Merde, elle parle même. Je suis d'accord. Là, par exemple, elle porte un napperon. Non, mais c'est vrai qu'elle est, elle pourrait. Je pense que ce matin, elle a dit. Mais elle a un napperon, on dirait qu'on peut poser une télé. C'est ça. Elle a dit à Raymond, j'ai rien à mettre, ça t'emmène si j'enlève sous la télé, là, le truc. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas possible. C'est une horreur. Il a rien à dire avec la boule à neige. Ça coûte un bras, ce qu'elle porte. Bah oui, enfin. Eh ben, justement, c'est le pire. Regardez, ce petit blouson, par exemple, que j'ai sur moi. Ouais. Je suis sûr que vous vous dites tous. Voilà. Il l'a pas payé. Non. Est-ce que vous l'avez payé? Alors, mais vous dites tous, ça coûte très cher. Ouais. Hein. Alors que pas du tout. Eh ben, regardez. C'est un petit Zaraman. Ah, tranquille. Ouais. Mais parce que vous enlevez le vêtement. Une petite fraîcheur. Ah, ouais. Mais tout vous va. Alors, par contre, je ne mets plus de blouson à l'antenne, je trouve que ça fait ringard. Depuis ce soir. J'en mets plus. Lasso, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quand même un gars, dès que je mets des baskets, il met des baskets. Je mets un blouson, il met un blouson. Je mange un loukoum, il mange un loukoum. Vous êtes charismatique, un modèle. Non, c'est un phénomène, ce mec-là. Des leaders d'opinion. Non, mais c'est vrai, mais bon, mais il faut qu'il vive sa vie quand même, hein. Et vous l'idée. Non, mais c'est quand même, l'idée. Je suis obligé d'idole, surtout. Je vais se retrouver dans un instant sur Europe 1, à tout de suite. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h-18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna. Ah, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Ciment ? Ah, c'est qui Simon ? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 € par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 € hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Bonjour, Stéphanie de Tabac Info Service. Je vous écoute. Bonjour, alors voilà, j'ai très envie d'arrêter de fumer, mais j'ai aussi très peur de grossir. Vous savez, quand on arrête de fumer, la prise de poids n'est pas systématique. Ce qui compte, c'est de prendre de bonnes habitudes alimentaires avant même d'arrêter. D'accord, mais concrètement, je fais comment ? Eh bien, je peux vous mettre en contact avec une de nos tabacologues spécialisée dans la nutrition. Elle vous aidera à mettre en place votre propre programme. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, appel non surtaxé, et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, t'es chez Lidl ? Ah oui, et ils remettent le paquet, hein. Dès demain, pour tous les supporters de foot, le paquet de 200 grammes de chips aromatisés est à 99 centimes. Quoi ? Même pas 1 euro le paquet de chips aromatisés ? 99 centimes, patron. Et il y a plein de goûts francs, hein. Herbe de Provence, jambon fromage, moutarde de Dijon et Roquefort. Ah, ils vont faire un carton. Pour toi, le carton, il est rouge, ouais. Ah, on est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,95€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi ? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Bah, tu lui racontes quoi, là ? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Continental 16 pouces à 69 € seulement. Oh, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1 € de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genoux. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Ah. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Europe 1, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il reste 3 émissions des pieds dans le plat. Alors, on est partagé entre joie d'être avec vous encore et détresse. Voilà, détresse, parce que on lance un SOS. A tout de suite. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. La zone anti-lichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, les 4 boîtes de thon entier au naturel Petit Navire sont à 6,52€, avec en plus 50% en avantage carte. 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la lichère. 4 x 140 grammes, soit 11,64€ le kilo. Du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Oh Pierre, faudra que je te raconte, il y a un nouveau record. Quoi ? Le but le plus rapide de l'histoire ? Ah, la frappe la plus puissante du monde. Le record de carton rouge en un match. Le transfert le plus cher de l'histoire. Mais non, un record à Euro Million Man Million. Du jamais vu. Cette semaine, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Semaine Euro Million My Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin. Pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est la dernière de Jean-Luc Lemoine aujourd'hui parce qu'après il part à Québec. Québec. Et Jean-Luc, vous nous avez donné donc un défaut, une qualité d'Estelle Denis, de Jérôme Commandeur. Il ne reste plus que Valérie Benalloum. Valérie, je pense que c'est la chroniqueuse rêvée. Non mais c'est vrai, c'est le couteau suisse. T'as envie d'avoir. C'est gentil. C'est bizarre comme phrase. C'est un couteau suisse. Non mais c'est vrai. Elle est là. Je l'ai vue des fois annoncer des cadeaux qu'elle comprenait même pas elle-même. Et avec beaucoup de conviction, donc okay. Ça c'est respect. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Voilà. C'est vrai. Merci, monsieur. Je suis d'accord. Et son défaut ? Son défaut, je la trouve un petit peu trop servile avec vous. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et puis. Elle passe tout. Oui, et puis ouais, elle vous flatte trop. Non, elle vous flatte trop. Mais je ne flatte pas parce que je le pense. Regardez cette petite bouille, regardez-le. Voilà, mais on a envie de le voir, c'est ça. C'est un peu caresser ma bosse, monseigneur. Mais c'est exactement ça. T'as pas vu la tête de la bosse. Donc ça, c'est son petit défaut, notamment quand elle dit oh regardez, mais comme il a maigri, comme ceci, comme il est beau, comme ceci. Regardez-le, il a perdu, J'ai mis un petit peu d'ice tea là sur mon corps. Oh là là, attendez. Non, cet hiver, vous étiez quand même, vous étiez, ouais, un peu enveloppé. C'est vrai, on l'avait remarqué. Vous étiez un peu laissé aller. Et là, incroyable. Enveloppé. Attends, t'as pas signé encore l'année prochaine. Oui, mais t'enflamme pas là. Non, mais Giron. Et là, franchement, il est fit. Voilà. Non, mais il se prépare pour l'été. Ouais, ouais, il se prépare pour l'été. J'ai des rendez-vous à Ibiza avec Bob Sinclair. Au Pacha. Il m'a dit, ouais, non, mais ça, c'est magnifique. Hein. Alors vous, Jérôme Commandeur, allez-y, un défaut, une qualité de chacun. Donc je démarre par Estelle. Bien sûr, démarrer toujours par celle avec qui il faut démarrer. Estelle, je dirais d'une naïveté touchante pour une femme de média. Non, mais c'est vrai. Pour une femme de Raymond. Et son défaut, je dirais. Ah, c'était ma qualité, ça. Ouais, merci. Je crois que c'était le défaut, moi. J'en donnerai un également sur chacun d'entre vous. Qualité et défaut. D'accord. Je vous dirai, Estelle Denis, ce que je pense de vous. Et le défaut d'Estelle, peut-être un petit peu soupolé. Et Valérie Benaïm? Valérie, oui, comme Jean-Luc, oui, chroniqueuse. Disons que j'ai remarqué un truc sur Valérie. Oui. C'est que moins elle a vu les films dont elle parle, mieux elle en parle. Mieux elle en parle. Vous les avez tous vus. Ça c'est quand même extrêmement rare. On les a tous vus. Vous êtes vraiment des chiens. C'est des chiens. Quand elle a vu le film, le pitch est mauvais. Non, mais vous dites n'importe quoi. Je les vois tous. Vous êtes des mauvaises langues. Moi, je défendrai toujours Valérie Benaïm. Ah non, et ça, c'est plutôt Cyril. Ouais. Mais sérieusement, mais c'est vrai. Il a raison, très sérieux. Mais il est très sérieux. Là où il fait les meilleures promotions, c'est quand il a pas vu le film. Ouais. Parce que quand il veut vraiment flatter, il se noie et il se perd. Alors que quand il a pas vu, mais t'as envie d'aller voir le film direct. Il a raison, mais tu sais, mais je suis d'accord avec vous, Jean-Luc. Et même moi, je le sens parce que sinon, je veux trop en parler quand je vois, quand je l'ai vu. Il veut donner les détails. Ouais, c'est ça. C'est pas Et vous avez vu combien de films cette année, par exemple? Sans mentir, j'ai dû en voir 90. Voilà. Non. Non mais. Mais tout le pipeau, non. On parle hors bonne annonce. Ah oui. Hors teaser. Oui, quand ça dure 3 minutes, c'est pas le film. C'est la bande annonce. Franchement, j'ai dû en voir 2. Non. Ah, il a vu Pattaya. Ouais, bah oui, j'ai. Bah oui, il a vu les films. Je vois que les films où je suis dedans. Non, il a vu Pattaya 2 fois. Il fait 2. Non, moi, ce que j'adore de Cyril. Non, mais est-ce que je vous ai demandé de parler de moi? Attendez. Sur vous. Non, mais si. Toujours que, non, mais vous avez le syndrome du blouson. Mais non, mais parce qu'il vous, il parle de vous durant les interviews et quand même, on a pu vous voir interviewer. Ce que j'adore, c'est qu'il a un tic de vieil animateur, Cyril. C'est qu'il raconte son amitié et sa tendresse pour l'invité et ça lui permet de chercher la question d'après. Vous savez à quel point je vous adore. Vous êtes aimé dans ces vidéos. Et là, on voit ses yeux qui cherchent. Putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Et en général, il commence toujours par, en plus, vous êtes dans mon top 3. Alors là, je vais dire. Ça se termine en top 18. Oh, mais. C'est fou. Est-ce qu'on parlait de moi? Je suis venu en ami. Ouais, mais on trouvait ça bien. Vous étiez bien. Vous étiez à côté du radiateur, dans le fond de la classe. J'étais tranquille, moi. Voilà. Et voilà ce que je prends dans la gueule, bordel. On va parler un peu de vous. Alors, Estelle Denis, vous, une qualité et un défaut. Chez tout le monde? Bah non, chez ma mère. Ah oui, d'accord. Mais Jérôme, il a rien dit sur moi. Ah mais oui, j'avais dit sur. Vous le direz après, parce qu'on va s'écouter Kounz. Kounz Zedek, This Girl, c'est parti. Oh, C'est très sympa, ça va être la folie cet été. Hein. Ah ouais. Ah ça, je peux vous dire, il y a plus d'une meuf qui va vouloir danser là-dessus. Là. Jérôme Commandeur, dans les défauts et qualités de Jean-Luc Lemoyne. Alors Jean-Luc, il est extrêmement bon camarade, ce qui fait toujours plaisir pour un humoriste. Il est vraiment. C'est vrai que les humoristes, généralement, vous tirez la bourre. Oh, hein, c'est un peu la bourre. Et je dois le dire, pour avoir été son compétiteur préféré au qui est au top, que quand Jean-Luc perdait au qui est au top, on avait un peu l'impression que sa mère se faisait violenter par un tank de casque bleu. C'est-à-dire qu'il vous en voulait jusqu'en 2047, quoi, à peu près. C'est vrai, je suis mauvais joueur. Ah, je okay. le reconnais. Ah, si, okay. C'était un calvaire, le qui est au top. Non, pourquoi? Mais parce que moi, j'aime bien jouer dans les règles de l'art. Et comme Cyril, toute l'année, ça a été, on change les règles, on change le tour, bah, on va dans ce sens-là, dans l'autre sens et tout. Ah, les règles du jeu, c'est un fil Twitter avec Cyril. Ça change toutes les 5 minutes. Oui, c'est ça. Non mais t'as vu comme il est premier degré sur le jeu, c'est un truc de fou. Mais vous suiez de la tempe. Ah, mais, je suis de partout. Merci. Alors Valérie Benaim. Eh ben sur Jean-Luc, son défaut c'est ça, il est très premier degré quand il faut jouer et quand il faut parler de PSG. C'est-à-dire dès qu'on parle du foot, alors là il y a plus d'humour, c'est fini, on peut pas rigoler sur le football. C'est vrai que Cyril quand il parle tennis, il est très second degré. Et puis sinon, ben c'est un camarade en qualité, c'est un camarade en or et qui vous porte, qui vous supporte, qui peut porter. Hein. voilà, c'est tout. Donc c'est oui, tout. Merci. C'est pas mal. Merci. Vous avez donné votre avis, Stéphanie? Mais pas encore. D'accord. Donc, voilà. Non, mais je trouve que Jean-Luc est extrêmement drôle. Voilà, il est intelligent. Ça a été un bonheur de travailler avec lui. Et après, en défaut. Je le trouve un tout petit peu raide. C'est-à-dire, un peu, voilà. C'est plutôt... Il gagnerait. C'est plutôt une qualité. C'est comme souple. Il gagnerait à être un tout petit peu plus souriant et tout. Je le trouve un peu raide. C'est comme s'il avait un accessoire de ménage dans les fesses. On dirait pas lequel, mais on connaît l'expression. On la connaît. On la connaît l'expression. Je l'adore, les mecs, sans déconner. Je voulais le dire au moins violent, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, vous l'avez exprimé comme ça. Non, mais voilà, il est un peu plus souriant, un peu plus rond, un peu plus. Bah, il gagnerait la quarantaine. Je veux bien sourire, mais t'as vu ta gueule. Je t'emmerde. Voilà, ça y est, voilà. Ça dégénère. Voilà. C'est ça que je veux faire. Ça recommence comme dans la vie. Et voilà, c'est toujours la même rengaine. Hein. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça part toujours en cacahuète, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors, je vous le dis aujourd'hui, c'est un qui est au top spécial. Ah. Aujourd'hui, pour sa dernière parmi nous, j'ai envie de rendre hommage au roi du qui est au top, Jean-Luc Lemoyne. Ah, ça y est. Tout le monde va jouer, sauf Jean-Luc, bien entendu. Mm-hmm. 2 minutes 30 de questions, juste sur Jean-Luc. Ah, pas mal. T'as des questions sur Jean-Luc. Je suis flatté. Vous allez découvrir qui est votre véritable ami autour de la table, Jean-Luc, et qui vous écoute, qui il vous aime et qui vous chérit. D'accord, mon Jean-Luc? J'ai peur d'être déçu. Vous ne serez pas déçu. Si personne ne répond à rien. Vous ne serez pas déçu, mon Jean-Luc. Attention, on va démarrer avec Jérôme Commandeur. Attention, et je vous rappelle, le gagnant aura le droit à une danse et un twerk. Il pourra twerker Jean-Luc. Mais vraiment, hein, pendant 30 secondes, je veux un vrai twerk. Gagnant twerk sur Jean-Luc ou c'est Jean-Luc qui twerk sur nous? Qui twerk sur Jean-Luc, qu'est-ce qu'il préfère, c'est Jean-Luc? Mais de toute façon, c'est perdant-perdant. Donc, oui, c'est d'accord. Non, je préfère me faire twerker. Je préfère me faire twerker, mais je veux du contact, hein. Je veux du cucu sur le cucu sur le kiki. Mais il y a personne qui s'est twerké autour de la table. Je veux du cucu sur le kiki. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux du cucu sur le kiki. Redis-le. Du cucu sur le kiki. Qui d'ailleurs est une boîte de nuit au Cap d'Agde qu'on embrasse les patrons. Qui va aller au cucu sur le kiki là? Allez, bon, on va faire un bel été. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. En ce moment, les 100 stylos billes rétractables, dont 20 gratuits Peppermint Enjoy, sont à 19,79€ TTC. En noir ou en bleu. Perso, je prends les bleus. Ben pourquoi? Parce que... Allez les bleus!

À un moment, si on t'épluche trop, t'as plus de cœur. Ah, c'est beau. C'est... Ouais. Moi, ça me scie. Moi, ça me... Je cherche encore. Je suis sciée. C'est un peu l'objet de votre livre, de votre prochain livre. J'ai quand même un copain, moi, qui s'appelle Yannick, qui me dit, est-ce qu'on peut déjeuner demain midi? Je lui dis non, malheureusement, j'ai un déj dégoûté. Il me met avec Cyril Ferraud, point d'interrogation. C'est pas une vanne. Tout le monde pense que je suis... Mais je l'aime vraiment, oui. Je pense qu'il va avoir une rumeur. Votre nouveau meilleur ami. Je le trouve beau. Mais non, mais il est mignon. C'est quoi votre style de mec, bon, en animateur? Un animateur, Nico, je sens que ça peut être votre cas. Guy Lagache. Guy Lagouache. Ah ouais, pas mal. Non, c'est Guy Lagouache, c'est le mec qui Oui, Guy Lagache, parce que pour un blond, je le trouve pas mal. Ouais. Parce que je suis pas fan des blonds, mais il fait pas blond fade. Vous voyez, il a quelque chose d'un peu plus. Denise. Moi, j'aime bien Harry Roselmack. Pas mal. Surtout avec son petit bout, il y a un truc. Ouais, mais lui, vous pouvez le pécho que de 7 à 8. Oh putain. Je vais y aller. Bonsoir Paris, c'est tout pour moi. Moi j'aime bien Pierre Dostel, M6 Boutique. Alors je l'ai rencontré. je l'ai rencontré à Roland Garros. Et alors Et il m'a dit, vous m'avez jamais invité dans votre émission, il va absolument venir. C'est vrai. Est-ce qu'on peut pas l'inviter, Pierre Dostel? Il reste deux émissions là. Quoi? Sinon on peut pas voir Sacha Dostel, ton frère? Oh non. Non, je crois que c'est un peu tard. Non mais Pierre Dostel, j'aimerais bien qu'on l'ait, Pierre Dostel. Ouais, mais avec Valérie Pascal, il vient pas tout seul. Oh non, malheureux. Tu devais pas venir Shirley Sandino. Tu sais que Valérie Pascal, celle qui faisait le. Ancienne Miss France. Benaïm, ancienne Miss Djerba. Ouais, c'est ça. Ouais. Djerba la douce, hein, pas Djerba la fidèle. Djerba la goudou. Il n'y a plus de respect. Allez, on va poser les questions sur Jean-Luc Lemoine. Allez. Alors, Jean-Luc, je repose la question. Vous préférez donc vous faire twerker par le gagnant? Oui, entre les deux, oui, je préfère. On rappelle ce qu'est le twerk. Même si c'est Jérôme. Donc, surtout si c'est Jérôme. On rappelle ce que c'est que le twerk. Donc, il faudra. Remue son popotin. Mais on le frotte. Si c'est pas Jérôme, on frotte. Voilà. Écoutez, c'est la dernière pour moi, donc on peut se faire plaisir. Voilà, bravo. Enfin, nous, il nous en reste. Non, je vais vous dire. Je veux être frotté uniquement si c'est Estelle Denis. Ah, voilà. Parce que Estelle Denis m'a dit que j'étais un peu raide. On va voir si elle est raide. C'est bien ça. C'est une frotteuse, Estelle Denis. Ah, je peux vous dire, quand j'ai dit que vous étiez raide, ça n'avait rien à voir avec le twerk. Enfin, on va voir si c'est raide. C'est la première fois qu'elle va faire de la barre fixe entre 16h et 18h. Allez, on y va. Jérôme Commandeur, à combien se négocie? Je rappelle que c'est que des questions sur Jean-Luc Lemoine. Oui, sa dernière aujourd'hui. Je crois que ça va être blessant comme question. À combien se négocie au prix le plus fort l'autographe de Jean-Luc Lemoine sur le site d'enchères eBay? 4 euros. Non. Oh non, quand même, c'est Jean-Luc. Plus. Beaucoup plus? Non, mais non. 15 euros? Moins. 13. Plus. 14. Un peu plus. Bah, j'avais dit 15 avant. 14,50. Un peu moins. 14,50. Un peu plus. 60? Non, c'est 14,70. Non. 90? Non. 14,99? Oui, 14,99. Bien joué, Stanley. Alors, envie de le twerker. Allez, c'est le gagnant. Psychologiquement, 99, mais sérieusement. C'est pas mal, hein, quand, franchement. C'est surcoté. Et 15 euros. Vendez en plus. Quand même, vous vous rendez compte? 15 euros l'autographe de Jean-Luc Lemoine, quand même, hein. Ah, je suis très étonné. Non, mais c'est très beau. Bravo, Jean-Luc. Jean-Luc a déjà passé une commande dans une boulangerie en rendant hommage à une profession très répandue dans son pays d'origine. Laquelle? Est-ce que vous vous rappelez de ça pendant l'émission? Ah, il l'avait dit, ça. Oui. Alors oui? Les chauffeurs de pousse-pousse. Non. Mais non. Non. Vous rappelez pas de ce coup de fil de Jean-Luc Lemoine? Ah si. Attends, il avait. Attends. Il avait fait quoi? Bon, Estelle Denis. Attends. Une profession très connue, très répandue dans son pays. Les restaurateurs de Nem. Non, les ninjas. Bravo, les ninjas. Ah oui. Jean-Luc Lemoine. En ninja à la boulangerie, c'était magnifique, écoutez. Boulangerie Feuillet, Séverine, bonjour. Bonjour, je suis bien à la boulangerie. Oui. Voilà, je vous appelle pour un gâteau. Oui. Et en fait, je voudrais savoir si vous faites des gâteaux d'anniversaire. Oui, ce serait pour quand? Ça serait pour après-demain. Oui, il n'y a pas de souci pour après-demain. Ah, je suis content. Et est-ce que vous pouvez aussi faire des chouquettes éventuellement? Ah oui. Mais beaucoup de chouquettes. Jean-Luc, vous avez toujours la gastro. On se souvient maintenant. J'avais oublié complètement. On y retourne. En vacances, Jean-Luc plaît beaucoup aux Allemandes qu'il fréquente l'été dans un camp bilingue. Quel est le prénom de la rousse de Rostock avec qui Jean-Luc a connu sa première montée d'adrénaline? Ah ouais. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la première meuf de Jean-Luc? C'était quoi son prénom? Une Allemande. Ulrika? Non, ça se finit par un A. Anna? Non. Magdalena? Non. Michaela. Oui, bravo, Michaela, Michaela. Eh oui, eh bien Jean-Luc, elle est là ce soir. Elle est dans le public, à vous de la retrouver. Elle a les cheveux violets. Je me rappelle de son nom de famille même. Et on s'est un petit peu éloigné du croquis d'origine. Quoi, c'est quoi son nom de famille? Streeter. Streeter. Ah ouais. Mais on peut peut-être l'appeler. Non, c'était pas la peine. Pour quelle raison Jean-Luc a-t-il été malade lors d'un voyage en bateau en Angleterre alors qu'il avait 16 ans? Ah. Vous jouez tous, hein, oui. Il avait trop mangé avant? Non. On se souvient, ça y est. Alors, bah, allez-y. Bah, il était ivre mort. Ouais, mais il avait trop bu. Il a bu de la vodka plus sec sur le bateau. Il a tout vomi avant d'arriver en France. À 16 ans, bah, bravo. Ouais. Ses parents ont été gentils et n'ont pas fait de remarques sur les traces de vomi sur son pull, rappelle. Exactement, c'était un joli pull jacquard avec des petits losanges, genre Burlington, et il y avait une galette dessus. Ouais. C'est un bel hommage. Qui me mettent en valeur, exactement. Alors, c'est l'artiste qui nous intéresse. Ouais, c'est l'artiste. L'homme de spectacle. Dans un instant, on parlera de Daniel, une auditrice, qui a eu un petit truc avec Jean-Luc Lemoine. On en parlera juste après Maître Gims, qui a été sapé comme jamais. Il est sapé comme jamais, il est très bien habillé. Oui. Dieu bénisse. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on oublie, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Balmain, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Je contrôle la maison, apprécie mon parcours. Un des gâteaux, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les camos, pour tout coco sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, oui. Maître Gims, convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Vive vite ton sac, je vais la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, tes yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Kinshasa na Baza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Stani Saint-Théo, Medjik na Darcyre, Bilou na Demdemo, Juna Jana na E. Yelele. Ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Boudin. Y'a Coco na Chanel. Pas mal ça. Ça m'a marché ça. C'est sapé comme jamais. Et je suis très content qu'il parle de Christine Boutin dans cette chanson. Il appelle Loulou. Ah oui, Jean-Luc, c'est un qui est au top spécial Jean-Luc Lemoine. Je suis ému. Et moi, je pourrais en avoir un pour ma dernière. Alors oui, mais chez moi ce week-end. Ah bah écoutez. Non mais pas. Avec Cyril, grand plaisir. Il en reste. Demain par exemple, on fait celui d'Estelle. Ouais. Et jeudi, on fait le mien par exemple. Vous savez le travail Jérôme, que c'est. Jérôme alors. Eh ben, on fait un couplet, Jérôme et moi. Ah, comme ça, j'en ai un pour moi toute seule. Ouais, je suis sympa. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire demain, Benaïm, après-demain, commandeur. Et vous, on le fera vendredi. Vendredi matin, Trianon Palace à Versailles, suite 512. Exactement. Mais c'est ça va, il le fait que pour toi et tout seul. Vous allez voir, que toi vous allez voir France-Roumanie un vendredi? Non, je le regarde avec mon fils devant la télé. Voilà. Non. Ouais, on se fait un petit truc tous les deux. Moi aussi, j'y vais pas. Je devais y aller, lui, j'y vais pas. Pourquoi vous alliez pas? Moi, je regarde à la maison. Ah voilà. Donc, je suis en train d'organiser une très très grosse soirée. On a invité. Merci de nous avoir invité. Deux personnes, 8000 watts de son. Moi, ma meuf. Bam. Mais ma meuf, elle comprend rien au match, elle m'énerve. Quoi, elle J'aurais fallu rien. Que je sois avec une meuf comme vous, quoi. Je me suis souvent posé la question, est-ce que je laisserais tout tomber pour Estelle? Alors, non. La réponse, c'est... Et la réponse, elle est vite arrivée. Non. Voilà, ça c'est fait. Non, mais je suis très fière déjà que vous soyez posé la question. Non, voilà. Non, mais je suis extrêmement flattée. Je rigole, vraiment, ça aurait été possible. Vous, non, mais faites une soirée foot quand même avec tout le monde. Avec, on va démarrer déjà tous les deux, et puis après on verra. Non. Non, non. Alors je veux bien faire une soirée foot. Ouais, alors, et je vous prends au mot. D'accord. Je prends. Toutes vous et toutes les chroniqueuses de Touche pas à mon sport, je vous invite à la maison. Pourquoi il y a que celle de Touche pas à mon sport? On peut savoir pourquoi il y a pas pour des par raisons exemple... évidentes, allez voir l'émission. J'ai ma petite idée, mais je ne peux pas t'en parler tout de suite. Non mais vous pouvez... Moi je fais des commentaires de dingue. Mais non, vous venez, vous nous amenez des plateaux, vous des curries, des trucs, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il y a pris pour la soubrette? Mais quoi, ça vous chauffe d'être en soubrette? Ouais, à la maison. Mais il est fou, celui-là. Tu serais super bien. Ouais. Elle doit être existante, Benaïm. Ah bah, ouais, grave. Soubrette. Ouais. Hein, en soubrette. Ah ouais. En petit tablier, tu serais bien. Avec une serpillière, elle est magnifique. Ah oui, elle est belle. Ouais. Elle est belle, ta serpillière. Vas-y, viens m'épousseter. Oh, viens, Benaïm. C'est dingue, c'est vrai. Oh, Benaïm, époussette-moi, s'il te plaît. Je t'en conjure. Je t'en conjure, là, Benaïm. Il est gênant, non? Non, non. Benaïm. Oh oui, Benaïm. Pourquoi vous prenez un accent quand vous faites ça? Je sais pas, parce bien. Que c'est l'érotisme. Oh Benaïm, vous me faites penser à la sous-préfète de Narbonne, avec qui j'ai eu une petite aventure, là-bas derrière, sur le talus. Dans la garrigue. Dans la garrigue. Quand même. Estelle Denis, vous êtes déjà mise en soubrette? Non, jamais. Question vous, mais réponse assez immédiate. Vous avez déjà présenté une émission de sport en soubrette? Non, mais même, je n'ai jamais utilisé de déguisement dans ma vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, infirmière. Non, mais c'est... Non. Jamais vous n'avez fait des genres petits jeux érotiques avec Raymond, genre lui il se déguise en bouton et vous en... Non, ouais. En bergère. En bergère. Cache-cache. Mais non, jamais. Et vous le couvrez de compote? Ouais, ça, non, mais non. Mais enfin, Valérie, est-ce que vous avez déjà utilisé le déguisement dans votre vie intime? Reste dans ta merde. Non, mais c'est important, est-ce que vous mettez des aliments dans vos jeux érotiques? Non. Je crois que c'est dans ta personne. Mais là, non. Combien de temps met un œuf pour cuire sur le nombril de Raymond? Pas mal. En 3 minutes, il fait un œuf mollet. Ah oui. Ça, c'est sûr qu'il est mollet. Ah, il est mollet. Ah, il est mollet. Fait un œuf sur son mollet. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je voulais jouer, moi. Bah, je suis venu pour jouer. Attendez. Bon, on continue. Alors, la première année, c'est Danielle, une auditrice, qui a trouvé un surnom très insolite et affectueux à notre Jean-Luc. Qu'est-ce que vous rappelez? Un surnom affectueux? Oui. Mon bichon? Non. C'est un nom d'animal? Non. Ah. Je l'ai. C'est quoi? Tête d'ampoule. Non. Mais non. Ah oui, normalement, c'est censé mettre en valeur. Hein. Non, mais il y a pas un à côté, quoi. Non, mais c'est pour dire que t'es une lumière. Mais surtout que c'est pas Daniel qui m'a traité de tête d'ampoule. C'est qui? Non, c'est Daniel. Non. C'est Daniel. Non, c'est une espèce de présentateur un peu basané. Ah oui. Pas qui dans une interview dit ah bah Jean-Luc Lemoyne c'est tête d'ampoule. C'est parti de là. Ah oui. La genèse du truc, c'est parti de là. Mon cœur a saigné. Non, mais Jean-Luc qui a beaucoup de succès sur Islamabad. Il a un gros accès. On écoute Daniel. Daniel, oui. Vous voulez jouer avec qui, Daniel, pour gagner? Jean-Luc Lemoyne, la tête d'ampoule. Ah Et ben Daniel, tu vas le perdre ton défi. À mon avis, Daniel, vous êtes exceptionnel, Daniel. Ah mais je suis exceptionnel. Hein. Ah mais je vous le confirme, c'est le fou rire du jour pour moi. Ah mais Jean-Luc. C'était dit avec amour. Et on l'a retrouvé dans le coffre de sa bagnole, une balle dans le dos. Allez, suicidé. Pourquoi cette chanson a marqué la carrière de Jean-Luc Lemoyne? Sa carrière. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Vous jouez tous ensemble. Ah d'accord, il a fait un sketch? Non. Est-ce qu'il l'écrivait pas dans la sitcom des Toby Free? Il était ami avec Philippe Nicolic. Non. Même s'il venait de la ville où j'ai fait mon lycée. Ça, ouais. Longjumeau. Longjumeau, c'est la ville des Bogdanov. Il avait passé le casting du boys band. Non, c'est pas une histoire de répondeur ou, oui. ou de voix ou je sais pas. Il a mis ça. Il a fait la voix, la voix du répondeur. Ouais, les Toby Free, bravo. Il a été la voix officielle du répondeur des Toby Free. C'est la classe. Vous pouvez nous remettre ça dans le contexte, c'est un peu flou. Non, mais à l'époque, vous savez, quand il y avait des boys band et tout ça, il y avait des moyens de soutirer un peu d'argent aux jeunes filles. Donc il y avait des messageries vocales où vous pouviez poser des questions et répondre et gagner des petits goodies. Et donc ça, c'est des messageries préenregistrées et j'avais fait ça, ouais. Ça faisait quoi? Salut, tu es bien sur la messagerie des Toby Free? Si tu veux répondre sur Nick, sur Philippe, tape 1. Non. Sur Adèle, tape 2. Non. Sur Franck, tape 3. Mais il le fait vachement bien. C'est normal, c'était son métier. Depuis plusieurs années, Jean-Luc vit très mal quelque chose. On va en parler dans un instant, puisque Jean-Luc vit très mal quelque chose depuis des années. Ce sera la prochaine question. Des années. À tout de suite sur Europe. Tous les jours, c'est sur Europe 1. Chaque après-midi, Thomas Touroud et l'Europe 1 Football Club vous font vivre la ferveur et l'enthousiasme. Europe 1 Football Club, avec nos consultants et nos invités, on va vivre l'Euro à fond. Pendant un mois, 7 jours sur 7, dans l'Europe 1 Football Club, Thomas Touroud va décaler, chercher la profondeur et prendre à contre-pied. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. L'Europe 1 Football Club, la première, c'est vendredi à partir de 16h. Zone anti-bichère et chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive Gallo de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. 50. Ah, docteur, 50, je ne sais plus quoi 50, faire. 50, même la nuit, c'est grave. 50. Bah, il souffre d'une quinquagite. Une quinquagite? Oui, c'est assez courant depuis que Free a lancé son forfait mobile avec 50 gigas en 4G à 19,99€ par mois. 50. Et ça soigne? Oui, prenez-lui un forfait sur mobile.free.fr, c'est sans engagement. Oh, merci Free. Merci docteur. De rien, déshabillez-vous. 50. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine avec mobile 4G. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990€. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis ce jour où j'ai pris la voiture pour aller chercher le pain. 2 ans que je regrette de m'être dit que j'avais pas besoin de ceinture. 2 ans que ma vie a basculé à 300 mètres de chez moi. 2 ans que mon fils aîné fait mes lacets, que son petit frère m'aide à manger, et que ma femme s'occupe du reste. Tout le reste. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés. Tous responsables. Europe 1, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec toute l'équipe et on continue à poser des questions sur Jean-Luc Lemoine. C'est sa dernière aujourd'hui à Jean-Luc. Pour l'instant, c'est Valérie Benahim qui mène, hein. Donc c'est Valérie Benahim qui twerkera. Ah bah, il va lever le pied. Tout de suite. Tout à l'heure, vers 18h55, une personnalité fan de foot raconte son match parfait à Estelle Denis. Le match de sa vie. C'est avec Continental, sponsor officiel de l'UEFA Euro 2016. Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça. Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus de 500 000 pièces automobiles neuves, identiques constructeurs, jusqu'à 2 fois moins cher. Et ce sont des pièces d'origine. Oscaro.com commercialise exclusivement des pièces d'origine neuves en provenance des plus grands équipementiers. Ah, je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante, voire conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Bon, les gars, c'est une semaine historique. Si on veut accrocher ce record, il va falloir donner le maximum. Ouais. C'est cette semaine ou jamais, je peux compter sur vous. Ouais. Je veux 24 mecs à fond, 24 champions. Mais coach, on est que 11. J'ai dit 24, je veux tout le monde, les remplaçants, même les arbitres. Semaine Euromillion My Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin, pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. MDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les pieds dans le plat sur Europa. Je vais changer la règle. C'est le gagnant qui va pouvoir désigner le twerker. Ah, c'est bien ça. C'est bien. D'accord. Estelle, prépare-toi. Valérie Benahim, 3 points. Jérôme Commandeur, il a 2 points. Et Estelle Denis, 1 point. Estelle Denis, ça va? Vous êtes comment au niveau de la danse? Eh ben, je suis très moyenne, mais je vais essayer de m'améliorer là. Ah, j'ai jamais été twerké par un apron. N'allez pas être déçu. Quel salaud. Vous avez déjà twerké, Raymond? Non, jamais. Je n'ai jamais twerké. Non, mais je vous jure. Hein. Non, même. Jamais. Jamais, même sur son fauteuil. Mais je vois à peine comment ça fait. Enfin, je sais qu'il faut bouger quelque chose. Même mais sur ce fauteuil Eversteel, rien du tout. Non. On n'a jamais twerké personne. Mais non. Ben non, enfin pourquoi je twerkerais quelqu'un? Vous, vous étiez prédestiné à une grande carrière sexuelle, c'est très dommage. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai l'œil pour ça. Ah ouais. Je vous jure. Elle? Ouais. Elle avait des facilités. Ah, elle? On en aurait fait. Elle, à 25 piges, une piste de ski acrobatique. Non, mais elle. Elle tutoyait les étoiles. Ah non, mais c'est sûr, c'était Edgar Groupion. Ah ben. Et puis, ah bah, bam, bam, bam, bam, bam. Et le rond-point, les Hespérides, première à droite, elle s'est garée. Non, mais vraiment, vous êtes passé. Oui, c'est ça, vous étiez quand même, vous étiez sur l'autoroute. Il y avait deux routes. Et à un moment, il y avait la route, voilà, la route vers. Les itinéraires bis, le petit chemin de campagne. Il y avait la route de Madison. J'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée sur l'aire d'autoroute, elle est jamais repartie. Elle est jamais repartie. Pourtant, mais non, mais je suis sûr qu'elle devait avoir du succès, elle. Parce qu'elle a l'air, elle est coquine. Elle est coquine, ouais. Mais elle va se révéler. Et quand elle va se révéler, les amis, ce sera trop tard. Non. Moi, je vous dis, je serai dans les parages. Ah ouais. Parce que là, je vais vous dire, Estelle Denis, c'est un gros monospace familial qui demande qu'elle se transforme en petite sportive. Ouais, exactement. Mais c'est vrai. Je vais réfléchir à cette comparaison. Pour l'instant, elle a la boule et caravane, mais elle peut l'enlever très vite. Ah non, mais elle va se lâcher. Ouais. Tu sais quoi, au moins, elle va se réveiller. Elle va se réveiller. Aux alentours de 40 ans, c'est-à-dire dans deux ans. Ouais, dans un an et demi. Bon, 6 mois, ouais. Ah, dans 6 mois. Ah ouais, 6 mois. On peut pas prolonger l'émission finalement. Ah, ouais. Là, ça veut dire quoi, que à Noël prochain? Festival. Ah, ouais, non, elle va envoyer la crèche dans la gueule à Raymond. Ah non, mais là, c'est un truc de fou. Tiens, le bœuf, là, dans ta gueule. Ah non, mais ça va être incroyable. Et quand elle va se chauffer, là, Denis, Et moi, je serai dans les parages pour essayer de gratter quelque chose. Gratter quelque chose, on sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez gratter? Bah, je sais pas, un petit truc, gratter des métier. Ah, mais c'est vrai, vous serez là, Jean-Luc, pour gratter quelque chose? Ah, moi, s'il faut gratter, c'est juste là. Ah non, on grattera un petit truc. Commandeur? Oui, oui, parce que je vous sens pas super chaud. Vous auriez pu le dire tout à l'heure sur mes compliments. Non mais Estelle Denis, vous savez quoi, c'est comme un dessert qui est froid et vous arrivez, vous mettez de la mousse au chocolat chaude dessus. Et là, le dessert. Exactement. C'est une poire belle Hélène. C'est une poire belle Hélène. Exactement. C'est une poire belle Hélène. Ouais. Ouais. Je vous le dis. Ça vous fait plaisir? Bah oui. Écoutez, je ne sais plus quoi dire. Oui. J'aimerais bien votre. Le principe de la poire belle Hélène, c'est que si tu la manges pas vite, ça ressemble plus à rien au bout de deux secondes. Justement, c'est exactement elle. Voilà. Non mais c'est vrai. Faut manger vite. Faut la manger vite. Faut la dévorer. C'est pas une banane split. Allez. Depuis plusieurs années, Jean-Luc vit très mal le fait que son lieu de naissance sur Wikipédia soit erroné. Ah oui. En effet. Il n'est pas né à Morangis, mais où? À Longjumeau. Non. À Paris. Non. Paris combien? Paris 14. Non. Non. Paris 11. Non. Paris 12. Non. Paris 13. Allez, oh, non. Paris 15. Paris 15, bien joué. Merde. Donc elle a fait tous les arrondissements. Paris 15. Eh oui, et j'ai une bonne nouvelle, à force de le dire à l'antenne, Wikipédia a changé. Ah. Voilà, donc le lieu a été changé, vous êtes bien né à Paris 15 selon Wikipédia. Merci. Je peux me retirer. Abilhomme, dans le Puy-de-Dôme, il existe un autre Jean-Luc Lemoyne très célèbre. Quelle est sa profession? Boucher? Non. Aiguiseur de couteau? Non. Danseur? Coco danseur? Qui a dit danseur? C'est moi. C'est Benahim. Stadonie, elle se fout vraiment de notre gueule. Hein. Je la vois ne pas parler parce que j'ai les yeux sur elle. Je la vois la bouche fermée, elle s'est déjà pas la cloque, elle. Non, mais ça, je la vois la bouche fermée, je lui dis qui a dit danseur? C'est moi. Comment? C'est moche de tricher comme ça. Alors, je vous le dis, c'est bien danseur. Jean-Luc Lemoine, Dancing, 7 rue des Capucins, à Billaume. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler? C'est un chorégraphe, et notamment, moi, j'avais été voir le film quand j'étais chanteur avec Gérard Depardieu. Ouais. Et au début, il commence à remercier Jean-Luc Lemoine, et j'ai cru que c'était une vanne pour moi. Et en fait, non, c'était le vrai Jean-Luc Lemoine, le chorégraphe qui était dans le film. On l'appelle. On n'a rien à lui dire, ce monsieur. Mais pas vous mettre. On lui dit bonjour, quoi. D'accord, on se mêle de mon cul. Allô? Oui, Jean-Luc? Oui. C'est Jean-Luc Lemoine? Oui. Jean-Luc Lemoine, je vous passe quelqu'un. Oui. Salut Jean-Luc. Oui. C'est Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc Lemoine. C'est vrai? Non, mais oui. Super. Et voilà, je sais que j'ai vu une de vos élèves il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai eu la dédicace, ouais. Je l'ai mis dans mes cours. Ouais. Et voilà, et je voulais m'excuser parce que j'espère que notre homonymie ne vous a pas porté préjudice. Non, du tout, du tout. Non, c'est plutôt le contraire, c'est rigolo, quoi. C'est plutôt plein d'anecdotes, c'est voilà quoi. Non, il n'y a pas de souci. Non. Parce que je suis content, moi, on m'a pas demandé de chorégraphie, parce que je suis très mauvais danseur. J'espère qu'on vous a pas demandé des blagues. Non, du tout, non. Je suis pas bon non plus. On pourrait faire un échange de savoir-faire, mais non, je suis pas bon du tout. J'ai failli venir sur le plateau de D8 à une époque. Non, ah c'est oui, vrai. Jean-Luc, faut venir, c'est Cyril, là, Nouna. Oui, mais j'avais été contacté, mais bon, le problème, c'est que c'était, bon, une semaine avant, pour moi, c'est trop court pour annuler tous mes cours. Je veux dire, si vous attendez que touche pas mon poste, vous appelle un mois avant. On sait même pas ce qu'on va faire dans une heure, alors, je veux dire, déjà, une semaine avant, franchement, c'est un miracle, non mais, déjà, c'est un truc de fou, franchement, sinon, moi, je serais prêt à venir sur le plateau. Venez sur la dernière, ce sera le 23 juin. 23 juin, faut que je regarde ça, ouais. On regarde ça, je vous envoie une carte kiwi. Oui. D'accord, Jean-Luc. Je vous fais un gros bisou, Jean-Luc. Eh ben, merci beaucoup d'avoir appelé. Jean-Luc, en plus, vous savez que Jean-Luc Lemoine, mon ami Jean-Luc Lemoine, voilà, vous êtes également quelqu'un que j'aime beaucoup, mais mon ami de, il a un problème, c'est qu'il déteste la danse. Ça veut dire qu'il n'aime pas la danse. Pourquoi c'est pas lié au. Ah non, mais c'est sûr. Moi, j'ai un Cyril Hanouna, qui déteste la lecture, par exemple. Et ça me fout en l'air. Il n'y a pas de règle. C'est une horreur de mec. Merci, Jean-Luc, en tout cas. Et on essaie d'organiser pour le 23. Ouais, merci beaucoup, en tout cas. Salut, Jean-Luc. Merci. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Pas si ça vous intéresse, Cyril, j'ai un Gérard Louvin, gynécologue à Tarbes. C'est le même, il faisait de la télé. Allez, on se retrouve juste après 17h sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Ah 118 712, le numéro de référence pour trouver un coiffeur. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. À vous de jouer. Hein, c'est à vous. Mais attendez, Daniel, je suis pas footballeur, moi. Non, mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Toute l'équipe des nouveaux commerçants s'est mobilisée pour vous faire profiter dans leur magasin U de super remises immédiates, dans plein de rayons immédiates, les remises. Ça veut dire des économies directes dans votre poche. Et vous, il reste là, tranquille, sur le banc de touche. Voilà, c'est à vous de jouer. À vous d'en profiter, enfin, bon. C'est jusqu'au 18 juin sur une sélection de produits dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Bonjour, Caroline de Tabac Info Service. Je vous écoute. Bonjour, voilà. Ma femme a réussi à arrêter de fumer il y a un an, mais pas moi. Alors depuis, elle insiste pour que je réessaye, mais... Je comprends. Pourquoi ne pas profiter de vos prochaines vacances? Le changement de rythme est idéal pour arrêter. Moins de stress, on fait du sport, on dort... Mais je vais devenir invivable, moi. Non, vous savez, il y a des solutions pour limiter le stress. Vous voulez qu'on voit ensemble ce qui n'a pas marché la dernière fois? Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, appel non surtaxé, et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Et là, je dis à mon beau-père qu'avec Direct Energy, j'économise 10% sur l'électricité et le gaz. Et là, il me dit que lui aussi, mais que lui, ça fait 2 ans. Ah, et donc? Ben, j'ai repris du dessert. C'est moche. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuit, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le vrai problème des vacances, c'est la décompression brutale du temps. Aucun palier entre une année de travail assidu et une étendue de temps vide. Eh ben, c'est périlleux. La meilleure façon de s'adapter aux vacances, c'est de lire. Ben oui, lire, les livres, c'est un oxygène. Avec quelques bons livres, tous les risques de rater les vacances s'évanouissent. C'est vrai, Fabrice, mais il y a aussi la musique, les films et plein d'activités chez Cultura pour agrémenter l'été. Cultura, l'esprit jubile. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Maman, on a des pizzas? Mais oui, des pizzas, bonne idée. Ah oui, c'est vrai que les matchs des Bleus commencent bientôt. Et j'ai vu que chez Carrefour, ils avaient tout prévu. Jusqu'au 20 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur la pizza Sodebo. Ah bah je vois qu'entre supporters, on se soutient. Eh ouais. Jusqu'au 20 juin dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme sur la pizza Sodebo. 470 grammes, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'originale blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Lucas Plat, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Europe 1, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour la suite du Qui est au top. Et c'est la dernière de Jean-Luc Lemoine dans cette émission. Donc on lui rend hommage, on le porte nu. A tout de suite. Salut l'artiste. Il est 17h, vous êtes bien sur Europe 1. Enfin, un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Millet. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Une victoire pour Jérôme Kerviel contre son ancien employeur. Les prud'hommes condamnent la Société Générale à lui verser 450 000 euros. La banque est en effet accusée d'avoir licencié son ex-trader sans cause réelle et sérieuse. Elle dénonce ce soir une décision scandaleuse contre laquelle elle va faire appel. Jérôme Kerviel a été, on le rappelle, condamné à deux reprises pour avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque. Il n'y a plus aucune raison de faire grève. C'est ce que disait ce matin sur Europe 1, le patron de la SNCF. On est allé au bout de ce qui était possible. Un projet d'accord a été finalisé dans la nuit sur l'organisation du temps de travail. Et pourtant, cet après-midi, le syndicat Sudrail annonce que ce projet ne lui va pas et appelle les cheminots à poursuivre leur mouvement. La balle est maintenant dans le camp de la CGT qui n'a pas encore fait connaître sa position. En attendant, la grève est reconduite pour demain. Des orages annoncés ce soir dans les Hauts-de-France. Une vingtaine de départements sont placés en alerte orange. Ça va de la Seine-Maritime à la Côte d'Or en passant par la Moselle, l'Aisne, le Pas-de-Calais. En gros, un large quart nord-est où l'on s'attend donc à des orages qui pourraient être parfois violents. Manuel Valls a annoncé cet après-midi que chaque foyer victime des inondations recevrait en moyenne 500 euros du fonds d'urgence. Une aide exceptionnelle va par ailleurs être débloquée pour aider les artisans et les commerçants touchés par ces intempéries. La Turquie, une nouvelle fois frappée au cœur. 11 morts et 36 blessés dans une explosion ce matin à Istanbul. Une bombe actionnée à distance au passage de deux bus transportant des policiers. L'ouverture du procès d'un meurtre qui avait traumatisé la ville de Pau, celui d'Alexandre, un collégien de 13 ans sauvagement assassiné à coups de marteau, c'était en juin 2011. Quatre personnes, quatre marginaux comparaissent depuis ce matin. Au départ de cette affaire, un simple vol de téléphone portable. Notez qu'à partir de 19h, le club de la presse d'Europe 1 recevra Rosane Le Saint, auteur du livre noir des syndicats, mais aussi Constance Borde, qui représente en France le Parti démocrate américain. Alors que c'est le dernier Super Tuesday aujourd'hui dans la course à la Maison Blanche, Rosane Le Saint et Constance Borde seront toutes les deux interrogées par Nicolas Poincaré et par les grandes voix. Ce soir, Arlette Chabot, Serge Julie et Caroline Roux. Très belle fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Vous retrouvez Cyril Hanouna et toute sa bande. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1. Il ne reste plus que 3 émissions des pieds dans le plat. Nous sommes avec Estelle Denis, Valérie Benaïm, Jérôme Commander. Le Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine qui déborde. Il est bordé sur René, le Jean-Luc Lemoine, il va passer derrière entre les poteaux. Oh, c'est magnifique. Ah oui, je pensais que c'était du foot. Non, c'est du rugby. Moi, ça faisait des souvenirs. J'ai joué au foot quand j'étais gamin et j'avais un entraîneur qui était un peu incohérent. J'étais lié droit, il me disait, déborde, centre. Et quand j'avais centré, il fait, rattrape le centre. C'est pas possible. On peut pas, bien sûr, être au four, au moulin. Merci, Jean-Luc. Allez, vous êtes tous là pour jouer autour de Jean-Luc. Jean-Luc Lemoine, 1882-1923. Autour de Jean-Luc, j'ai l'impression que c'est veillée mortuaire. Oui, c'est ça. Jean-Luc Lemoine, qui était dans les pieds dans le plat, stocké le micro à la radio. C'est-à-dire que sans micro, nous ne pouvons pas parler. Sans Jean-Luc Lemoine dans les pieds dans le plat. Nous ne pouvons pas rire. Qui nous a quitté hier soir après une allergie alimentaire au bouboune. Bouboune pas frais. Et puis c'est une carrière qui s'en va. Exactement. D'ailleurs, on embrasse Jean-Patrick Bouboune, le restaurateur. Et les frères Tang. Et les frères Tang, voilà, qui ont su faire les premiers gestes de secours, qui n'ont pas malheureusement suffi. Voilà. Pour retirer le bouboune de la bouche pour le revendre. Et exactement. Et est-ce que la papaye était le bon fruit? C'est bien sûr la question ici que tout le monde se pose, n'est-ce pas, hein? Vous êtes devant le restaurant des frères Tang, je crois, Jean-Philippe Filochard. Oui, tout à fait, André Marcon, je suis devant le magasin des frères Tang, effectivement, un cordon sanitaire et une cellule d'aide psychologique pour toute la famille de Jean-Luc, hein, ils sont quand même 75. A été dressé par la Croix-Rouge. Je crois qu'on a la personne qui a servi Jean-Luc Lemoine et qui l'a vu pour la dernière fois. Oui. C'est Monsieur Nancy, du restaurant. Est-ce qu'on peut la voir? Tout à fait, je vous le passe. Hein. Bonjour. C'est la télévision française. Oui, bonjour, monsieur. Oui, attendez, boudez pas. Oui, parle coco. Oui, 3 euros. Oui, excusez-moi, je fais la caisse en même temps. Vous n'avez pas fermé le restaurant malgré le drame qui s'est joué? Pas petit profit, mon pote. Non. D'accord. Donc vous avez vu cette personne. Donc vous saviez que c'était quelqu'un de connu? Oui, parce que moi, regarde tout le temps mon pote et. Touche pas à mon pote. Oui, aime beaucoup Enora Malagré, petit saint, beaucoup. Alors, vous regardez mal parce que Enora Malagré, c'est pas petit saint. Vous devez confondre avec Isabelle Bonny-Bosse. On les confond beaucoup, ces deux salles, deux salles, la même ambiance. Tirachi, 450, oui. Non, pas de carréton, vieux cul. D'accord, merci. Je vois que vous recevez bien les clients. Oui. Alors, donc, la personne s'est présentée. Oui, Qu'est-ce qu'elle avait demandé? Qu'est-ce qu'elle avait commandé? Oui, attendez, je vous laisse, hein, je vais pisser, je vous laisse avec le restaurateur. Oui, va pisser au fond, en gauche. D'accord, merci. Il a demandé bouboune et il avait faim et mangé sans mâcher. Il a mangé sans mâcher. Voilà, il a mangé le bol, il a mangé le plateau, il a mangé fourchette. Ah oui, d'accord. Il a tout bouffé, le con. Il a tout bouffé. Alors, quelle a été votre première réaction quand il Rien à foutre, hein. Si elle a envie de manger les couverts, elle mange les couverts. On m'a dit que vous avez essayé de le réanimer à la papaye. Oui, papaye, cette position latérale de sécurité, mais rien fonctionné, encéphalogramme plat, plus ennui que le moine, fini, nuage, oiseau. D'accord. D'ailleurs, nous sommes avec quelqu'un, qui a rencontré Jean-Luc Lemoine, qui l'a accueilli, là-haut, je crois que c'est Jo Dassin. Oui, bonjour, c'est Ville. C'est Jo. Quelle dextérité. Bonjour, Jo. Alors, Jo, donc, Jean-Luc Lemoine. Sushimaki, 450, oui, passez, oui. Merci. Ah, attendez, je passe à Jo. Oui. Merci. Bonjour, oui. Mais combien sont-ils? Jo. Il y aura un peu d'alcool de riz, là, mais j'ai un peu fait. J'ai mal au guibol, je suis en direct depuis 7h15. Excusez-moi, je vous passe Jo. Oui. Alors, Jo, donc, vous qui avez accueilli Jean-Luc Lemoine sur votre nuage. Hein. Bien sûr, je ne l'ai jamais trouvée aussi belle que ce matin-là. Elle me fait penser à une aquarelle de Marie-Laurence. Oui. Ça me fait un peu de Saint-Sème. Alors oui, il est arrivé, donc il avait mangé un bobou de pas frais apparemment. Oui, on en a eu des morts cons, mais celle-là... Et donc, comment ça s'est goupillé donc, On lui a mis un petit siège entre Dalida et Fernand Reynaud. Ah oui, de comique. Il est bien placé. Pourquoi entre les deux? Il a vu sur la buanderie. Ah, d'accord, c'est sympa, d'accord. Et vous étiez content de le rencontrer? Vous connaissiez cette personne? Oui, je connaissais les sketchs de Jean-Luc, bien sûr. J'aimais beaucoup, beaucoup Jean-Luc. Enfin, je l'aime beaucoup puisque maintenant il est chez nous. C'est de l'humour de. On a Navarro qui est là. Ah qui est là, oui, bien sûr. Oui, il va venir, on va manger les tchatchouka, il y a un vol de couscous. Je ne peux pas rester, mais il n'y a pas de souci. Bon, je vous laisse. Jean-Luc Lemoine, moi aussi. Ah oui, c'est vraiment un plaisir. C'est un bonheur, cet homme-là. C'est un bonheur. Ah. Je le regardais des fois avec pas mon pote, parce que nous, on a des boîtiers TNT là où on n'arrive pas à tout capter. Et on va vous laisser. Merci. J'ai juste une dernière question à poser. Je vous passe le journaliste d'Europe 1. Oui, bonjour, j'ai envie de bidou, j'arrive. Jean-Luc Fitouchard, on a un problème, c'est que on avait oui, California Maquis, oui, à 14h50, oui. On a notre notre illusionniste, notre hypnotiseur Meusper, qui n'a pas vu donc le drame arriver puisqu'il était dans le même restaurant. Oui, tout à fait. Je vous passe, c'est, je crois que c'est Meusper, vieux Meusper, c'est un peu désobligeant, c'est une antenne familiale. Oui, merci. Meusper. Oui. Bonjour, c'est elle. Bonjour, Meusper. Donc on vous rappelle. Meusper. Sinon, c'est désobligeant. Oui. Alors, Meusper, vous qui voyez tout, vous voyez dans... mais vous, vous voyez plus dans le passé ou dans le futur? Je suis un des rares. Ah, ça me touche beaucoup que vous me proposiez de parler de ce pan-là de ma carrière. Oui. Je suis un des rares voyants dans le passé. C'est-à-dire ce que tout le monde sait, je le sais également. Mais alors, quelle est votre plus-value, j'ai envie de dire, alors? Aucune. D'accord. Et vous vivez de ça? Oui, est-ce que je peux parler un peu de Jean-Luc? Alors, vous parlerez de Jean-Luc dans un instant, d'accord, Meusper? Meusper. D'accord. On va retrouver Monsieur Meusper, hein, voilà, qui est là, qui est avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Prends une chaise, hein, moi, c'est crevé. D'accord, prends une chaise. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h-18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna. Victoire improbable au doublé légendaire. Toutes les histoires qui ont fait le championnat d'Europe de football, racontées par Laurent Deutsch. C'est en route vers l'Euro, ce soir à 17h58, avec Darty. Et pour vivre à fond les émotions de l'Euro 2016, retrouvez dès maintenant le meilleur choix de téléviseur chez Darty. On venait d'avoir le bac, sans mention, mais bon. S'en foutait, on était libre. La vie débutait. On a pris la route pour le week-end. On était 6 dans la voiture. 6 dans ma 5 places à déconner. Mais on n'était que deux à avoir notre ceinture. Et aujourd'hui, on n'est que deux encore en vie. Enfin, en vie. C'est pas la vie qu'on espérait. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Tiens, tu peux venir, s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Ciment? Ah, c'est qui, Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149€ par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149€ hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Information sur volkswagen-utilitaire.fr. Je ne savais pas que tu aimais ce genre d'endroit. Mais tu sais, oh, elle a son chapeau magnifique. Je me le même. Chut, on est au ciné. Et le prix de Tian en Chine, c'est le dimanche 19 juin. Soyez patiente. Le 167e prix de Tian en Chine approche. Le rendez-vous de l'élégance et du galop à Chantilly. Avec Brigitte, un concert exceptionnel à 12h30. Réservé sur prixdedian.com. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici Chocolat, le premier artiste noir de la scène française. Je cherche quelqu'un pour renouveler mon numéro. La première fois qu'un blanc me fait confiance. Omar Sy, James Thierry. Leur duo comique va rencontrer un immense succès populaire. Monsieur, Paris vous attend. Chocolat, un film de Roche Dizem inspiré d'une histoire vraie. Le 8 juin en DVD, Blu-ray et VOD. Un film européen. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%? Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec toute l'équipe, bien sûr, des pieds dans le plat. Et on aura Meusper qui veut s'exprimer sur Jean-Luc Lemoine. Je crois qu'on aura également un mot de Geneviève de Fontenay concernant Jean-Luc. Hein. C'est important, n'est-ce pas, Geneviève? Je suis pas décédé, petit con. Là, à tout de suite. Envie d'un teint à l'essence soleil, d'un smoky de star sans tapis rouge, de sourcils parfaits, ce n'est plus un rêve. Rien que pour vous, le Make-up Bar Sephora. C'est gratuit et sans rendez-vous. Le maquillage que vous voulez, quand vous voulez, avec de super pros à votre dispo. Et maintenant, à vous de jouer. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Bonjour. Bonjour. C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette. Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Ouais. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister. Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress. Vraiment? Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989. Appel non surtaxé et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat. Et profitez des derniers jours des pieds dans le plat avec la joyeuse bande de Cyril Hanouna sur Europe 1 et le dernier après-midi avec Jean-Luc Lemoine autour de la table. Vous retrouvez aussi Valérie Benaïm, Estelle Denis, Jérôme Commandeur et Musper dans un instant. N'attendez pas pour jouer, bien sûr, dans les pieds dans le plat. Vous pouvez gagner cette semaine un séjour de 7 nuits pour 4 personnes, séjour au choix, dans les établissements vacanciels. Vous tentez votre chance par SMS, vous envoyez PDLP au 739-21, 65 centimes le message. 2 SMS pour participer au 39-21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonne chance à tous. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Jérôme, merci d'être là, Jérôme. Mais je suis avec notre ami Jean-Luc Lemoine, c'est sa dernière. Ouais, ouais, et ouais. Je crois qu'on a Musper qui voulait parler un petit peu de Jean-Luc Lemoine. Musper, donc notre. Je suis toujours devant les frères Tangle, hein. J'attendais qu'on m'appelle. On rappelle bien sûr que Jean-Luc Lemoine nous a quitté après avoir mangé. Un beau bout de pafraie. Voilà, je sais, oui, ça a été un drame. C'était un grand drame. Vous savez que vous êtes en train d'angoisser ma mère en disant que je suis décédé. Alors, si Madame Lemoine nous écoute, bien sûr, tout c'est cela, du grand degré, tout bien cela sûr. N'est que fiction, bien entendu. Bien sûr, sont des fariboles, hein, comme dites chez vous. Voilà, hein. C'est de la fiction. Madame Lemoine, c'est comme, par exemple, quand Joséphine Angerdia, elle claque des doigts et qu'elle arrive à, voilà, à faire des choses, elle des miracles. Elle claque pas vraiment des doigts, parce que c'est un trucage, là. C'est comme quand Marcel Bellivoire arrivait avec sa moustache à la fin de Surprise, Surprise. On revenait dans le réel, mais c'est la fiction. Merci. On peut rester sur Jean-Luc Lemoine, j'espère. Je vous en prie, c'est. Vous aviez des choses à dire, alors c'est quoi? Justement. C'est bien le souci. Merci, monsieur. C'était très beau témoignage. Voilà, merci. Et Geneviève de Fontenelle a quelque chose à dire? Ah oui, oui. Ah ben moi. Mais... Vous l'aimiez bien, Jean-Luc? Ah oui. Ah oui, oui, Jean-Luc. Mais s'il avait ce petit côté un peu britannique. Un peu. Britannique? Oui, un peu pince sans rire et tout. Il avait une grosse tête, mais il était sympathique. Il avait quoi? Une grosse quoi? Il avait une grosse tête, il avait un gros crâne, mais il était sympathique. Moi, j'aimais bien. D'accord. J'aimais bien. J'aimais bien. C'est pas comme vous, là. Lui, il m'aurait pas fait de traquenard à me mettre une fausse tête sur un corps avec un free-free devant tout le monde, ce que vous avez fait il y a 6 mois. Vous appelez toujours ça le free-free. Comment vous appelez ça pour les garçons? La touquette. La touquette. Et un free-free et une touquette, ça fait un petit bébé. Voilà, c'est comme mignon. Ça qu'il faut raconter la sexualité aux gens. C'est mignon. C'est pas en se mettant du kiri sur la tirelire, là, comme elle a fait l'autre, là, Valérie Beg. Ça, je l'ai en travers de... Hein, est-ce que Elodie Gossuin, elle se mettrait du kiri sur la touquette? Sur le kiri? Non. Elle a pas de touquette. Elle a un free-free. C'est un vérifié. Ah, enfin des vraies infos. C'était le kiri sur la touquette. Votre langue a fourché. Oui, bon, bah, pardon, excusez-moi. Dans l'énervement. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez leur dire, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait les bébés Écoute. Bah dis donc, c'est avec YouPorn et tout ça, ils savent pas comment on fait les bébés, dis donc, faut non, acheter une canne et un chien. Comment on fait? Enfin, tout le monde peut aller sur Internet non, et voir comment on fait des bébés. Bah oui, avec des bouts choisis. C'est pas sur YouPorn que tu... qu'on apprend comment faire les bébés. Oui, parce que sinon, c'est pas là que ça doit se sortir. Il y a un début quand même. Bon, il y a un début. Hein, alors. C'est plus explicite que sur Meuse et Travaux. Alors. Oui, alors. Bon, donc, vous m'emmerdez, dis donc, avec des trucs pareils. Ben, vous, c'est un homme, il a une touquette. Il a une touquette qui change de taille, et puis la dame, elle a un petit endroit pour accueillir la touquette. C'est quoi l'endroit? Eh bien, c'est un free-free. Voilà. Donc, ils vont mettre la touquette dans le free-free. Voilà. Et puis, je croyais que j'avais oublié un truc dehors. Ah ben non, j'y retourne. Ah ben non, c'est dehors. Ah ben non, j'y retourne. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Vous voyez que ça peut être poétique, on n'a pas besoin d'être graveleux, vous êtes graveleux, vous. Mais pas du tout, on est dans votre touquette. Vous m'accueillez pour vous moquer de moi. Vous

il est là, il est là, et il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Eh oui, il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé, il est où le bonheur? On adore Christophe Maé, oui. Il était venu nous voir, mais quel artiste exceptionnel, un amour de mec, voilà, on l'embrasse fort d'ailleurs, hein. Christophe Maé. Allez, on est sur Jean-Luc Lemoyne, pour l'instant Estelle Denis, vous avez un point. Valérie Benahim, 4 points, Jérôme Commandeur, 3 points, on ne fait que des questions sur Jean-Luc Lemoyne. Quel grand auteur français? Je cite souvent par SMS à Jean-Luc Lemoyne. Lao Tzu? Ah non, français vous avez dit. Ouais. Apollinaire? Non. À Jean-Luc? Non. Oui. Chateaubriand? Chateaubriand, exactement. Eh oui. Ah. Lire, c'est refuser de mourir, c'est ça? Jean-Luc, je crois que c'était vous qui avez dit ça. Lors d'une intervention sur Europe 1. Hein. Oui. On écoute, je me rappelle plus du tout. C'est à ce moment-là qu'on ressort le texto qu'on a reçu ce week-end de Cyril Hanouna. Non. Message avant-hier, 15h05. Bien chier, c'est le secret d'une belle journée. Chateaubriand. Avec un deuxième petit SMS derrière. Oui, qui dit Chateaubriand, le frère de Dany, bien sûr. Voilà. On s'en lasse pas. Il restera des belles choses quand même. Pourquoi ils ont jamais filé ce soir ou jamais? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce qu'ils ont dit jamais. ce soir ou jamais, ils m'ont dit jamais. Jamais. Jean-Luc, j'aime bien quand je vous envoie des petits SMS le week-end. Mais moi aussi. Moi aussi, en général, c'est toujours pour me faire partager votre transit. Ouais. C'est poétique, c'est toujours poétique. Non, mais poétique. C'est vrai, mais parce que je m'inquiète. On disait que s'il y a un bon transit, c'est un signe de bonne santé. Et donc, quand ils m'envoient des. Il est en pleine forme. Mais oui, c'est ça. Parce qu'on s'inquiète. Non, mais c'est vrai qu'il ne cache rien. Hein, ce qu'il dit à la tête. Ah non, mais transparence. C'est bon. Presque trop. Oui, presque trop. Est-ce qu'on a besoin d'autant de transparence? Oui, je suis d'accord avec vous. Transparence, mais peut-être trop. Voilà, c'est le mot. Hein. C'est un gage d'amitié. Donnez-moi la première télé pour laquelle Jean-Luc Lemoyne a bossé. France 2. Non. Non, c'était pas Les Amours? TF1. Motus. Non. Oh, il écrit La 5. Quelle télé? La Fureur. Non. Mais quelle émission? Une chaîne ou une émission? Quelle chaîne, je vous l'ai dit? La 6. La 5. Non. C'est un Télé 6. Un truc local? Oui. Télé 7 Montblanc, Yveline Première. Non. IDF, Télé-Sonne. Télé quoi? Sonne. Oui, bravo, Télé-Sonne, bravo. Ah ouais. Jean-Luc Lemoyne qui a travaillé chez Télé-Sonne, vous faisiez quoi déjà Jean-Luc? Au début j'étais stagiaire et puis après avec mes camarades à qui je faisais du café-théâtre, on a fait des programmes courts qui s'appelaient Soyez malin comme des boudins. Ah ouais, pas mal. Ah, voilà. Ça donne envie. Soyez malin comme des boudins. Vous avez été diffusé pendant des années. Vous saviez que vous aviez me rencontré? C'était en 93. Ah, et quand je vois les images, c'est terrible parce que j'ai vraiment une tête de puceau. On a un extrait. On m'apporte une dépêche de dernière minute. Tiens papa! Merci Renaud. Donc on m'apprend que le repas est prêt, je vais donc devoir conclure cette édition en précisant qu'elle sera avancée d'une heure demain, puisque je regarde le match de foot. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et quant à moi, je rends l'antenne. Il aimait déjà le foot. Il aimait la vie, il aimait la France. Quel jury de The Voice Jean-Luc imite-t-il le mieux? Garou. Oui, bravo. Il imite très bien Garou. C'est un petit peu de studio. Voilà, c'est pas, c'est un petit peu, voilà. On voit la différence avec le vrai. C'est un peu travaillé, mais ça va. Moi, je vois aucune différence. C'est impressionnant, là. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit Garou? Ça, c'est Garou. Ah, c'est le même. C'est le même. Et Garou à jeun? Ah oui, c'est le même, d'accord. Ah oui, non, mais c'est le même. C'est le même. Les Québécois boivent, hein, de toute façon. À une épreuve du bac, Jean-Luc a eu 8 sur 20, mais quelle matière c'était? Maths. Philo. Non. Philo, bravo, philo. Eh oui. Maths, il est super bon. Il a eu 8 sur 20. On croyait qu'il était super bon, il nous a arnaqué. Et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe des pieds en place, que c'est parti d'ici. Cette arnaque qui a duré 2 ans quand même, très bien. Un génie des maths. Je m'en rappelle très bien. À quelle occasion ai-je été voir Jean-Luc pour la première fois en spectacle? Cette année. Oui. Pourquoi? Pour quelle occasion? Son anniversaire. La cigale. Non. Son anniversaire. La dernière parisienne. Votre anniversaire. Non. Mais enfin. Sa dernière à lui. Non. Mais non. C'était une occasion spéciale. Ah. La Saint-Valentin. Bravo Valérie Benahim. La Saint-Valentin. Pour lui déclarer votre amour. Mais, ah ouais, bien sûr. C'était beau, je m'en rappelle. Non, c'était pas pour lui déclarer la Saint-Valentin. Ouais. Mais il s'en souvient même pas. Mais si, rappelez-vous, j'étais le 17 février. Parce que c'est le 14. C'est le 14 février. Oui, mais je suis allé le 17. Et oui. Parce que il jouait pas le 14. Enfin, une affaire rocambolesque. Ben voilà, mais j'y suis allé pour la Saint-Valentin, rappelez-vous. Vous rappelez pas de ça?

New York. Vous l'achetez en... Non, non, c'était une compil de chansons de Claude Nougaro. Sur les starting blocks. Attention, question. Pour quelle raison Jean-Luc a-t-il été viré de l'accueil du Disney Store ? Il n'était pas souriant. Ouais, bravo. C'est la bonne réponse, Mélanie. Voilà, il était un peu raide. Il n'était pas souriant, il était un peu raide. Ouais, tu vas voir le twerk tout à l'heure. Ouais. Et attention, question encore. Parmi ces pièces de théâtre, pour laquelle Jean-Luc Lemoyne n'a-t-il jamais travaillé ? Mon colocataire est une merde, Amour et Chipolata, ou La bite ne fait pas le moine ? La dernière. La bite. Oui, la bite. C'est vous, Estelle Denis. C'est le nom d'une de mes ex, mais surtout le nom de la première voiture de Jean-Luc Lemoyne. Escorte. Clio. Clio. Non. Escorte. Je l'ai dit hier dans l'émission. Bah, oui. Diane. Il a dit il était chez Diane. Dans une Diane. Diane Citroën, bien sûr. Une Diane bleue qu'il a eu à 18 ans. Quel petit boulot a exercé Jean-Luc pendant son IUT ? McDo. Non. Vendeur. Chez qui ? Chez Decathlon. Non. Non, vendeur. Bah, Disney. Non. À la Fnac. Non. À Virgin. Le Roi Merlin. Bravo, Le Roi Merlin, pour réussir. Bon, et on cite le premier bisou de Jean-Luc, c'était dans Colonie avec une cougar. Oui. Mais quel âge avait-il et quel âge avait-elle? Il avait 13 ans, elle avait 14 ans ou un truc. Non, mais c'est le con. Non. Il avait quel âge, Jean-Luc? 14 ans. Non. 13? Non. 17? Non. 15? Non. 16? 10. Bravo, et elle avait quel âge, elle? 14. 16? 17? Non, moins. 13? Qui a dit 13? 12, moi, 13, moi, c'est moi 13. Qui a dit 13. Donc c'est le commandeur. 17 et 13 ans. Il a embrassé une meuf de 13 ans alors qu'il avait 10 ans. Oh là là, ça me choque, moi, cette différence d'âge. Nathalie, mais elle vient souvent nous voir. Nathalie, elle est pas là. Elle est pas là, Nathalie, aujourd'hui. Bah, elle vient souvent nous voir. Elle s'en est jamais remise. Bah oui. Ah, ouais, je me rappelle de son nom de famille. Nathalie, comment? Bah, je sais pas, parce que peut-être que aussi elle s'appelait Vieille Canet. Quoi? Vieille Canaille. Vieille Canaille. Vieille Canet. Vieille Canet. Ça sent pas la vie. Ah ouais. Vous voulez la revoir? Oui, bien sûr, avec Michaela, bien. Et on peut faire une réunion de tes ex, hein? Il en a pécho de la meuf. Oh, ouais. C'était un peu la thématique de ma pièce Amour et Chipolata, justement, quelqu'un qui réunit tous ses ex. Ouais, bah voilà. Parce que c'est un fantasme qu'on a tous. Ah bon? Ah, pas du tout. Vous réunirez combien d'ex, Stone Denis? Pas beaucoup. Bon, une petite quinzaine, quoi. Petite quinzaine, quand même. Non, mais ça dépend. Vrai ex ou pas vrai ex? Non, avec la langue et tout. Ah ouais, 15. Ah non, un peu plus alors, mais. Combien? Elle a roulé combien de pelles, là, Denis? Mais non, mais à 200 près, on s'en fout. Ouais. Une petite vingtaine. Quoi, elle en a roulé? Non, mais avec des bisous, s'il y a juste des bisous et tout, une petite vingtaine. Elle en a roulé de la pelle, hein, là, Denis. Bah, enfin, Valérie, carrément. Quand t'es ado, enfin. Mais tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai pas bougé une oreille jusqu'à 20 ans. Denis, je peux vous dire, au collège, on l'appelait le lézard, hein. Non, personne ne voulait de moi, je vous jure. Non, c'est vrai. Ah là, j'étais en détresse. J'avais 10 kilos de plus, j'avais des lunettes et un appareil, et franchement, je prenais tout ce qu'il y avait, mais malheureusement, il y avait rien. On aurait été dans la même école, je me serais dévoué, moi. Non, je crois pas. Comme ça, bah, moi, personne voulait se dévouer. Mais moi aussi, j'étais en estafette, j'avais un numéro vert. Les gens m'appelaient. Ah, la voiture balai. Ah, ouais. On ramassait tous les. Le SOS je me rappelle, il y avait une meuf qui était douchée et tout. Et ben, elle m'a fait de la peine. Je vous jure que c'est vrai. Mais non. Si, si. Ah, vous êtes du genre à. Elle était pas bien. C'est lui qui a créé les restos du cul, hein. Allez, fais un encart à ceux qui l'ont fait. Je vous jure, il a raison, Jean-Luc. Non, mais vraiment, je m'en rappelle. Elle s'appelait Stéphanie. Et ah donc, ça marchait la peine. Elle la louchait pitié, et tout. J'ai dit un jour je suis allé chez elle. Franchement je lui ai sauté dessus. Ah voilà, bah ouais. Elle a rien vu. Elle louchait. Bah non. Elle en a vu deux. Elle croyait que elle croyait que c'était fait pécho par les Bogdanov. Mais elle était contente ou pas? Elle est très contente. Ça l'a relancé d'ailleurs. Et le lendemain vous lui avez dit quoi? Bah le lendemain non mais oui, le parce lendemain. Ça dépend comment vous répondez après. Non, ça va. J'ai fait le service après vente. Dites-moi. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous l'avez relancé parce que c'est vrai que dans les lycées tout ça. Quand vous sortez avec quelqu'un de populaire, d'un seul coup, vous devenez désirable pour tout le monde. Donc, est-ce que vous étiez populaire? Alors, Jean-Luc, je vous jure qu'après ça, elle a pécho d'autres mecs. Ah ouais. Je rigole pas. Ouais. Parce que vous étiez coté. J'étais pas coté, mais bon, j'étais sympathique. Ça a été votre trieur valeur, quoi. Ouais. Vous l'avez amené dans la lumière. Est-ce que vous aviez le choix? Parce que ça, c'est un critère. Moi, par exemple, je n'avais jamais le choix. Est-ce que vous aviez le choix entre plusieurs nanas? Est-ce que vous arriviez à choisir? Non, j'avais pas vraiment le choix. Mais si, vous faisiez le con. Physiquement, c'était pas ça, mais vous faisiez le con, donc ça arrangeait le bordel, quoi. Voilà. Mais si. Bon, on va continuer les questions sur Jean-Luc Lemoyne dans un instant. On aura une très grande surprise. Très, très grosse surprise pour Jean-Luc. C'est vrai? Je le dis. Oui, parce que c'est ça. Elle est où, Michel, là? Non, vous verrez. On a vraiment une surprise pour Jean-Luc. Ah, à bon tout de suite. On va s'écouter Jane. Cram. Ah. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Blackburn, I'm so alone without you, boy. Come on, come on, baby. that you are. I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. You think that you stay off my mind. Call my baby, call my we show you the world. J'aime bien ça, Jane. Et on embrasse son mec. Tarzan ? Ah, mais je le connais par cœur, laisse tomber. Alors, nous sommes sur Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine, attention, question sur lui. Et je vous le dis, on aura une très très grosse surprise pour vous, Jean-Luc, dans un instant. Si je vous fais écouter ça. Qui chante ça selon Jean-Luc Lemoine ? Selon Jean-Luc ? Qu'est-ce qu'ils sont cons ? Non. Coldplay ? Non. Rappelez-vous de ça. C'est la seule erreur de Jean-Luc Lemoine dans toute l'histoire. Ah oui, il s'était trompé au Baba Okey. Oui, au Baba Okey. Il avait dit qui t'avait pas dit Obispo ou un truc comme alors, ça. Alors, bah, dites-le, vous dites quoi? Eh ben, Obispo. Bah, très bonne réponse. Bravo, c'est Obispo qu'il avait dit. Alors, c'était Robbie Williams. Ah, vous remuez le couteau dans la plaie, c'est pas vrai. Pas du tout, ça va. C'est ta seule erreur. Écoutez, ça va. Mais il l'a mal vécu. Vous voyez pas qu'il l'a mal vécu? Ouais, mais j'ai confondu avec la chanson de Personne de Pascal Obispo. Personne ne te remplace, non, personne. Valérie Benaïm, vous, c'est quoi votre seule erreur dans votre vie à part Patoche? Non, j'en ai fait plein des erreurs, j'imagine. Commandeur, Oh, j'en ai fait deux, trois, mais on va passer. Bien sûr, on parlera pas de Splash. Allez, Splash. Mais ça a été un succès. Ouais, bien sûr. Mais je vous jure, 6 millions de la première. Bien sûr, ouais, Arthur aussi marche bien sur TF1. Mais rien à voir, Ouais, c'est ça. Ma mère aussi fait des confitures. Allez, on y va. Jean-Luc, il a passé 17 jours et n'en garde pas du tout. Ah, terminé. Merci. Merci, alors, salut. C'était merci. Quoi la dernière question? C'est tout pour moi. Salut, merci. Merci, Jean-Jacques. Non, il a passé 17 jours et il n'en garde pas un bon souvenir, c'est ça la question? Ouais. Oui, c'était au... Aux toilettes. Au pute. Mais non, il n'y va plus. Au service militaire. Oui, au service militaire. Bravo, Estelle Denis. Alors, eh bien, ça y est, on a les scores. Et la gagnante, c'est Valérie Benaïm. Bravo. Bravo. Je le connais, mon Jean-Luc. Et mon Jean-Luc. Jean-Luc, aujourd'hui, c'est sa fête. Alors, on aura un très beau cadeau dans un instant pour vous, Jean-Luc. Mais juste avant, d'abord, il va y avoir le twerk. Alors, en ce moment, on est fous de twerk. J'adore quand les uns twerkent sur les autres. Bien sûr. Non, mais vraiment. Et donc, vous allez choisir une personne qui va vraiment twerker. Est-ce que vous voulez que je vous fasse l'exemple, Valérie Benaïm? Bien sûr, voilà. Mettez-nous du réalin, mettez-nous quelque chose. Jérôme Commandeur, est-ce qu'on peut vous laisser l'émission pour que vous pouvez commenter? Est-ce qu'on peut avoir un petit réalin? Vous étiez animateur, vous avez fait Rastaver Noir. Bien sûr, oui, oui. C'était nos 20 ans. Allez, on y va, c'est parti. Voilà. Donc la série est en train de se lever. Et alors, vous twerkez sur moi? Ah oui. D'accord, donc Siri est en train actuellement de se placer au centre du plateau, devant le public. Voilà. Et alors, donc, vous pouvez voir ça sur europe1.fr. Cyril twerk actuellement sur Valérie. Mais alors, je veux la même chose, mais pendant 20 secondes. D'accord. Estelle Denis. Alors non, elle a pas choisi. C'est peut-être pas Estelle Denis. Bah, oui, c'est qui, Valérie? Il y a un suspense. En Valérie, oui, vous avez le choix entre Jérôme Commandeur et Estelle Denis. Non, écoutez, je pense que c'est la dernière pour Jean-Luc. Bah, voilà, il faut lui faire plaisir. Bah, voilà. Ce garçon parte heureux avec un très bon souvenir de repas. Ah bah alors je veux les deux. Alors Estelle Denis. Estelle Denis. Jean-Luc, tu me fais pas un petit bisou. Tu me fais pas un petit bisou, mon chéri. Allez, vas-y, Denis. Ah bah si, on va se faire un peu plaisir. Mais non, mais faut qu'il y ait frontage. Non mais l'autre, non mais elle fait n'importe quoi. Faut qu'il y ait cucu sur Kiki. Ah voilà. Allez, pas cette musique. Je veux du cucu sur le... Kiki. Je veux du kiki sur le... Cucu. C'est parti, cucu sur le... Kiki. Et on embrasse le CSA. Je vous rappelle, vous êtes bien sur TF1, on est dans un bus à 22h. Et bien sûr, c'est votre jeu préféré, le cucu sur le... Kiki. Le cucu sur le... Kiki. Allez, c'est la troisième manche du cucu sur le kiki. Quatre cucus de kiki. Et la gaffe, je vous rappelle qu'il y a un autocuiseur à gagner. Alors Estelle, non mais est-ce que vous pouvez vous mettre comme ça? Je veux vous voir comme ça parce que oui. Mettez-vous de profil parce que je veux voir. Ouais. Mais non mais ça se touche pas, Valérie. Oh, Valérie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle chante. Valérie, montrez-lui. Non mais sans le montrer vraiment. Parce que je veux pas que vous frottiez votre cul n'importe où non plus. Non, voilà. Ça frottait pas. Ça frottait pas, Béni. Merci Jean-Luc, c'est votre dernière aujourd'hui sur Europe 1, dans les pieds dans le plat. Restez là Jean-Luc parce que vous allez avoir un magnifique cadeau. Jean-Luc, on a toujours su vous faire plaisir dans les pieds dans le plat sur Europe 1. Vous avez fait une magnifique année, Jean-Luc. On sait c'est que vous adorez le site L'Homme Moderne. Voilà, Jean-Luc, votre cadeau arrive dans une seconde. À tout de suite. Jeudi, l'événement politique est sur Europe 1. Europe 1, Thomas Soto. À quelques mois de la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy, le président des Républicains et probable candidat, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 pour un entretien exclusif. Durant une heure et demie, il répondra à mes questions et à celles de Jean-Pierre Elkabbach. Un événement à suivre également en vidéo sur Europe 1.fr, sur Facebook Live et sur Twitter avec le hashtag E1 Sarkozy. Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1, c'est jeudi de 7h30 à 9h. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, t'es chez Lidl? Ah oui, et ils remettent le paquet, hein. Dès demain, pour tous les supporters de foot, le paquet de 200 grammes de chips aromatisés est à 99 centimes. Quoi? Même pas 1 euro le paquet de chips aromatisés? 99 centimes, patron. Et il y a plein de goûts francs, hein. Herbe de Provence, jambon fromage, moutarde de Dijon et Roquefort. Ah, ils vont faire un carton. Pour toi, le carton, il est rouge, ouais. On est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,95€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Soche présente. Eh, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 2 fois moins cher. Bon, eh bien je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis ce jour où j'ai pris la voiture pour aller chercher le pain. 2 ans que je regrette de m'être dit que j'avais pas besoin de ceinture. 2 ans que ma vie a basculé à 300 mètres de chez moi. 2 ans que mon fils aîné fait mes lacets, que son petit frère m'aide à manger, et que ma femme s'occupe du reste. Tout le reste. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés. tous concernés, tous responsables. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Et ce sont les derniers jours des pieds dans le plat. C'est donc plus que jamais le moment de jouer et de tenter de gagner le smartphone Arkos et la tablette Arkos édition limitée équipe de France à l'occasion de l'Euro de football qui commence vendredi. Inscrivez-vous au 39-21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel, ou envoyez PDLP au 7-39-21, 65 centimes le message. Deux SMS pour participer. Bonne chance. Retour des pieds dans le plat dans une minute sur Europe 1. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, ben, allez-y. Très bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Eh oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont et lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse et transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les pieds dans le plat sur Europa. Jean-Luc Lemoine, vous êtes la fine fleur de l'audiovisuel français. Vous avez fait un travail magnifique sur Europe 1. Il a très souvent gagné le qui est au top, hein, Jean-Luc. C'est le grand champion du qui est au top. Donc, Jean-Luc. Dans la vérité, il a fait une belle année. T'as raison, Maurice. Non, c'est vrai, Maurice. Alors, on a Maurice Benchekroun avec nous. Non, il a fait une belle année. Franchement, il a fait une belle année. Il a démarré sur du multimarque. Après, il est allé sur du bouton. Franchement, moi, je me serais pas lancé comme ça dans du bouton, mais ça a bien marché. Mais bah, écoutez, bravo, Jean-Luc. En tout cas, pour votre magnifique année, mon Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc, on voulait vous faire un magnifique cadeau aujourd'hui. Mais on le circoncit vraiment? Ouais, je m'y connais pas bien, mais à mon âge, est-ce que ça va pas me faire mal? Non, vous inquiétez non, pas. Non, ça passe. Moi, ça passera comme une lettre à la poste. Oh, là, vous êtes douillet. Qu'est-ce que tu as fait circoncire? Jean-Luc, voici votre cadeau. Pour vous remercier, on a retrouvé tous vos amis d'enfance. Un dragon qui danse devant Jean-Luc Lemoine et une troupe. L'association Paris-Lyon Sport. Merci, merci monsieur. Venez. Ça, c'est un cadeau. Il y a quand même un dragon qui passe derrière moi. Ça, c'est un cadeau. Ça. Ah ouais. Alors, je vous explique. Il y a un dragon qui est arrivé. C'est l'association Paris-Lyon Sport, spécialisée dans la danse du lion et du dragon. Non, vous avez bien dit, spécialisée. Oui, il y a François Hung, Alex Cheng, Florent Chi, Lucien Lam, Isabelle Chour, Karine Liao et Shen Mei. Voilà, vous pouvez les suivre sur Facebook, sur la page Paris-Lyon Sport Association. Ils ont fait un travail magnifique. Bravo, les gars. Qui est le porte-parole? Qui est le porte-parole? Oui. Bonjour. Quel est votre prénom? François Hung. C'est vous, François Hung? Oui. Bonjour, François Hung. Bonjour. Est-ce que Jean-Luc est une fierté dans la communauté asiatique? C'est une fierté, il est connu dans toute l'Asie. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? Dans toute l'Asie, là. Il est connu dans toute l'Asie. C'est vrai, Jean-Luc est connu dans toute l'Asie. S'il va en Asie, il se prend un bain de foule. Il tant que je parte. Et ben voilà. Et le dragon, apparemment, c'est pris d'un. Ah, c'est un lion, ça? C'est un lion, oui. Ça, c'est un lion, ça? Allez voir la tête du lion sur Europe1.fr. Vous y connaissez bien, vous, en art populaire asiatique, hein? Ça va, j'ai quelques notions, hein. Merci, c'est en tout cas. C'est super beau, en tout merci cas. Merci, Jean-Luc. Est-ce que ce cadeau vous fait plaisir, Jean-Luc? Évidemment. Et puis, ils sont super doués parce que, franchement, même moi, j'ai eu peur. Ah oui, bravo. En tout cas, c'est un très beau cadeau. Voilà, c'était pour la dernière. Merci. Merci à vous. À l'association Paris-Lyon Sport. Vous avez été très très bon. Merci le lion. Merci beaucoup. Lion. Merci à tous. Lion. Je voyais pas le lion comme ça à la base. Mais ils sont combien dans le lion? Ils sont deux dans le lion? Non. Ils sont deux, là, François. Oh, ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Ah oui.

Première surprise, les Grecs sortent des poules et accèdent au tableau final. Personne ne les a vus arriver. Leur cote est de 250 contre 1 en début de compétition. L'équipe est composée de joueurs totalement inconnus et ce n'est que la troisième campagne internationale de toute l'histoire du pays. Mais leur sélectionneur allemand Otto Rehagel a mis en place une tactique infernale. Un mur infranchissable en défense, un marquage individuel et des centres dans la surface en espérant dominer le jeu aérien. Alors oui, c'est moche, mais ça marche. Rigueur et engagement physique, c'est la recette du roi Otto. Les Grecs se débarrassent ainsi de la France, championne en titre, puis de la République tchèque, favori de la compétition, et enfin du Portugal, le pays hôte. Avec à chaque fois, le même scénario et le même score final. 1-0, avec l'unique but marqué de la tête. L'ouverture du score pour les Grecs et le but de Charisteas de la tête sur un centre de Zagoranis. Les Grecs avaient un plan, ils l'ont respecté à la lettre. Mais c'est fini ! Oh là là, c'est énorme ! Eh bien la Grèce est championne d'Europe ! C'est incroyable ! Pendant la compétition, sur le bus de l'équipe, on peut lire « La Grèce antique avait 12 dieux, la Grèce moderne en a 11 ». C'est vrai, en 2004, la Grèce est bien au sommet de l'Olympe européen. C'était En route vers l'euro avec Darty. Pour vivre à fond les émotions de l'Euro 2016, retrouvez dès maintenant le meilleur choix de téléviseurs chez Darty et sur darty.com. Du 10 juin au 10 juillet, vivez l'Euro 2016 sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec Jonathan Lambert et Aïssa Maïga qui seront avec nous pour Bienvenue à Marly-Gaumont. On va parler de ça et en plus Valérie Benaïm, bien sûr, nous fera son pitch, hein, comme d'habitude. À tout de suite. Il est 18h, vous êtes sur Europe 1, les titres d'Europe Soir, c'est avec vous Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonsoir Cyril, au sommaire d'Europe Soir, 16 départements du nord et de l'est de la France en vigilance orage et 3 départements toujours en vigilance crue et de fait, de très fortes précipitations ce soir sur le nord et le Pas-de-Calais. Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 à Lille, nous signale 5000 impacts de foudre dès 16h, de l'eau en ce moment dans les rues de Lille, de nombreuses routes coupées dans les deux départements, un collège évacué à Pas-en-Artois et les pompiers débordés par les appels. On retrouvera Lionel Gougelot dès le début du journal à 18h30 et Valérie Darmon juste avant le journal. Une victoire surprise pour Jérôme Kerviel. Les prud'hommes condamnent la Société Générale à lui verser 450 000 euros pour, je cite, licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'ex-trader a pourtant été condamné définitivement au pénal pour avoir fait perdre à la banque près de 5 milliards d'euros. La Société Générale dénonce une décision scandaleuse. L'avocat de la banque, Maître Jean Veil, sera tout à l'heure l'invité du journal en direct. La grève à la SNCF n'est pas terminée, malgré la signature la nuit dernière d'un projet d'accord sur l'organisation du temps de travail. Sudrail et Force ouvrière appellent à la poursuite du mouvement. On attend surtout la décision de la CGT, qui a décidé de laisser décider les assemblées générales de cheminots. Explication tout à l'heure de Pauline Jacquot. L'incroyable interview de Zlatan Ibrahimovic au journal Le Monde. Le champion qui quitte le PSG parle de la France, de l'argent, de François Hollande. Quand on lui demande s'il a rencontré le président de la République, il répond non, François Hollande n'a pas eu cette chance. Et puis à propos de son salaire de 20 millions d'euros, il s'exclame oui, 20 millions seulement. François Claus a lu cet entretien plein de provocations. La Bourse de Paris ce soir en assez forte hausse, elle gagne 1,19% à 4475 points. De 19h à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1, nous parlerons ce soir d'Hillary Clinton, qui sera bien la candidate démocrate aux élections américaines. Elle vient de franchir la barre du nombre des délégués nécessaires. Et puis on parlera aussi de la grève à la SNCF avec l'auteur du livre noir des syndicats. Nos invités seront interrogés par Arlette Chabot, Caroline Roux et Serge Julie. Europe Soir dans moins d'une demi-heure, la météo juste avant. Tout de suite, les pieds dans le plat, Cyril Hanouna. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat, Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble encore pendant une demi-heure. Et je vous rappelle qu'il restera deux émissions des pieds dans le plat. Nous sommes avec Jean-Luc Lemoine, c'est sa dernière aujourd'hui. Bonjour. Le Stade de Lille. Bonsoir. C'est sa dernière. C'est la dernière ? Pas du tout, non, pas. Bah, écoutez, si vous voulez me quitter dès maintenant, non, vous venez, je viens jeudi. Ouais. Non. Si. Alors jeudi, je vous dis, ça va être l'émission de tous les dangers. Ah ouais. Ah, ah. Non, bah, oui, je vous le dis. Alors, si ah, vous j'ai venez, un peu mal à la gorge. Ouais, mais habillez-vous quand même un jeudi, venez pas comme ça avec le napperon. Hein. C'est bon. Ah, mais je suis hyper bien habillé. Non, mais c'est la dernière, non, il faut qu'elle fasse un effort. Quand tu ressembles à un queer center, j'adore. Ah ouais, on adore ça. Je viens en Bonnie Tyler. On adore ça. Valérie Benaïm est là. Bonsoir. Jérôme Commandeur. Et avec nous aujourd'hui, on a Aïssa Maïga et Jonathan Lambert. Bravo! Bravo! Merci. Pas assez de Lambert dans les médias. Très heureux d'assister à ces émissions collector. Hein, ah ouais, c'est un petit peu c'est le talon du jambon. Hein. C'est moins cher, mais c'est pas forcément moins bon. Pas assez de Lambert dans les médias. Jonathan, je suis juste content qu'il soit là parce que j'ai lu un article du journal L'Aide Nouvelle, paru il y a quelques semaines. Je vous donne le titre. Saint-Quentin, le meurtre de Jonathan Lambert reconstitué. C'est pas vrai. Je n'ai marqué ça. Eh oui, premier oui, novembre 2014. C'est un fait divers assez incroyable. Et effectivement, j'avais entendu parler de cette histoire. Ça va être difficile de trouver la bonne vanne. Hein. Non, là on la trouvera pas. Je te cache pas que c'est. Vous savez, là dans ces cas-là, il faut savoir partir. Voilà. Il faut savoir quitter la table. Hein, bien d'abord. Voilà. Quand le meilleur est desservi. Merci Charles. S'il nous regarde, je crois qu'il est en train de faire de l'aquagym. Alors, vous êtes là. Chappé comme jamais. Ah oui. Mais intéressant. J'aime bien. Jérôme Condor, faites Charles Aznavour qui chante Maître Gims. Chappé comme jamais. Non, c'est tout. J'aime beaucoup. C'est pas magnifique. Sans déconner. Et Boutin. C'est de la micro-imitation. C'est pas possible. Et je me tire de Maître Gims si aussi. Non. C'est comme toi, c'est comme vous, une imitation de Garou, quoi. C'est de la micro-imitation. Ça aussi, ça va venir dans les années. Oui, c'est un Pola, quoi. C'est un gif. Voilà. Vous venez nous voir pour le film Bienvenue à Marly Gaumont, qui sort mercredi. C'est un film tiré de l'histoire vraie, bien sûr, du chanteur Camini, qui viendra nous voir d'ailleurs à la télé tout à l'heure, et qui avait fait un carton en 2007 avec cette chanson. C'était ça. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Ça a été un carton. 380 000 exemplaires vendus. Un énorme carton. Et c'était le premier buzz, en fait, sur le net. Hein. C'est vrai que c'était vraiment le premier truc qui avait émergé à travers le média numérique. C'est ça, il avait fait vraiment le buzz avec son single. Il y en a une qui fait le buzz à chaque fois qu'elle raconte l'histoire d'un film, c'est Valérie Benaïm. Vous êtes vraiment la buzzeuse. Oui, c'est ça, on m'appelle comme ça d'ailleurs. Buzzeuse de diamant. Ouais, vous êtes vraiment. Qu'est-ce qu'elle buzz tout le temps. Allez, vas-y, Béna. J'ai vu le film, j'ai eu la chance même, je dirais, de voir le film parce que c'est formidable. Alors ce film, vous l'avez dit Cyril, c'est en quelque sorte le biopic de la famille de Camini. Nous sommes en 75, la famille Zantoko, donc celle de Camini, quitte Kinshasa au Congo pour le petit village de Marly Gaumont en Picardie, où vit Lavigne, le personnage que vous incarnez, Jonathan, qui est un méchant. Alors là, un vrai méchant, une ordure formidable, vous l'incarnez superbement bien. Et en fait, il se voit maire à la place du maire et on va voir toutes les pires horreurs qu'il va faire. Et le père, lui, vient d'obtenir son diplôme de médecin et va tenter d'exercer son métier, alors que sa femme, que vous incarnez Aïssa, vous le rejoignez et vous allez également essayer de vous intégrer avec une petite déception parce que vous pensiez que c'était à Paris même, alors que on est à Marly Gaumont, pas très loin, mais pas à Paris. Et le film nous raconte cette intégration de cette famille noire dans un village de la France profonde qui n'en avait jamais vu avant. La famille va tout faire pour se faire aimer des habitants et ce film, il évite le piège de la caricature dans ce choc des cultures. Il trouve vraiment un superbe équilibre parce qu'il joue effectivement des stéréotypes de la campagne, de l'Afrique, mais il n'en abuse pas. Les acteurs, vous êtes tous justes et très fins. C'est un film qui est un film sur la différence, mais toutes les différences. Il y a la campagne et la ville, noir, blanc, les études, le sport. C'est un film qui est sensible. C'est une comédie douce, amère, très réussie. Bravo Valérie. Merci. C'est beau. Franchement, Aïssa et Jonathan. Elle oublie d'être conne, la mère, hein. Ah, non, mais la mère non, Benaïm. C'est vrai. Non, mais ce qu'il y a de très juste dans ce que vient de dire Valérie, c'est que ça évite l'écueil de, ça aurait pu être un peu trop dégoulinant de bons sentiments, parce que voilà, on est dans ce truc qu'on a déjà vu, l'intégration, les difficultés. Et je pense, parce que c'est l'adaptation de son, enfin, c'est son histoire, hein, Camini. Et on évite ce piège-là et on tombe pas, voilà, il y a de la nuance. Et même si je suis un gros enculé dans ouais, le film, je crois que, enfin, pour avoir parlé avec Camini, il a rencontré des ordures comme moi. Était, oui, moi aussi, j'en ai déjà rencontré. Aïssa, vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'a dit Valérie Benaïm? Bah, d'abord, je trouve que c'est à la fois, bah, ça me fait plaisir, hein, mais en même temps, c'est très juste. On a fait une projection hier, l'avant-première a été incroyable. On a eu des réactions, mais tellement émues. Les gens ont ri, ont applaudi dans la salle, ont pleuré, et surtout, ils sont étonnés de découvrir l'envers du décor de Camini. C'est-à-dire qu'on l'a vu, ce noir hirsute au milieu des prés, des vaches et des tracteurs il y a 10 ans, et on découvre qui il est, qui était son père, qui était un homme, un médecin qui avait une vocation incroyable, qui était un orphelin.

Merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci à Jonathan Lambert et merci à Issa Maïga d'être avec nous. On est bien là, hein. Content de les voir là, les deux là. Alors Issa, c'est la première fois que je vous rencontre, non? Oui. Ouais, c'est ça, on s'était jamais vu. On s'était vu, je crois, un jour, on s'était croisé dans une boulangerie, j'avais commandé un pain au raisin. Ah, et, oui, ça me revient. Voilà, c'est Jonathan Lambert. Ça m'a dit, c'est un souvenir impérissable. Jonathan Lambert, c'est bon, c'est bien sûr la success story qu'on connaît, hein, n'est-ce pas, Jean-Loup Fitouche? Oui, tout à fait, effectivement, Jonathan Lambert, c'est plusieurs dizaines de filiales dans le monde, une ouverture sur, effectivement, tout le trafic gazier entre l'Europe et la Russie. Bien sûr. Et c'est une cotation au Nasdaq de plus de 10%. Merci, bien sûr, les frères Lambert. Hein, qu'on avec Total qui perd 4,5% à la mi-journée. Alors, Jonathan, dans le film, donc vous avez des ambitions, vous voulez devenir maire de Marly Gaumont. Je suis un petit peu le J.R. Ewing du film. Et c'est un gros kiff parce que, non mais à chaque fois, enfin depuis que je veux faire ce métier, c'était mon rêve de jouer une ordure. Et on m'a offert ce... Il est gratiné. Très, très bien, ouais. Mais non mais c'est jubilatoire de jouer ces salauds parce que une ordure en plus c'est l'histoire de votre vie. Donc, voilà. Non mais parce que après quand les gens te rencontrent ils disent en fait vous êtes beaucoup plus sympa que voilà, donc ça met la barre à un certain niveau et du coup c'est toujours c'est toujours une bonne surprise. Mais après, comment il a pensé à Jonathan, on se dit pas ça peut être une ordure mais en fait oui. En fait, enfin au cinéma. Ouais, non mais en plus mon nom dans le film c'est Lavigne et au bout d'un moment j'avais dit au réalisateur Julien Rambaldi parce qu'il appelle les comédiens par le nom de leur personnage et au lieu de m'appeler Lavigne je disais sois gentil pour me mettre en condition appelle-moi la merde. Pendant tout le tournage. La merde, tu te mets plus à gauche, tu sors du cadre. Alors Jonathan dans la vie vous êtes connu pour avoir des tocs, hein, notamment celui de ne pas pouvoir mettre vos pieds dans les chaussures des autres. Ah oui. Il paraît que vous ne posez pas votre pied par terre. Non, j'ai changé. Non. Bah, ça dépend de quel par terre. Voilà, c'est ça. Non, parce que je me rappelle quand on faisait des sketchs ensemble, c'est vrai que vous aviez du mal à poser votre pied par terre quand vous deviez changer de chaussures, etc. Mais là, ça va mieux. Non, ça va mieux. Ça va. Alors, vous essuyez toujours. Grâce à toi, grâce à. Ouais. Non, tout ça va salter. C'est ça. Voilà, j'ai fait un mix. Je me suis dit, allez, on peut être comme lui, donc trouvons un juste milieu. Aïssa, le détail qui tue chez vous, c'est vos cheveux. Dans le film, comme dans la vie, vos cheveux sont incroyables. Non, mais c'est vrai, je regardais ça tout à l'heure. Et il y a quelque chose. Moi qui travaille quelque un petit peu. Quelque chose de graphique aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Vous avez fait d'ailleurs la une du magazine Natural Hair Academy. C'est un truc que j'aimerais toujours faire, moi, que je ne ferai jamais. C'est un magazine mensuel de 32 pages parlant cheveux en particulier et beauté en général. Je t'avais vu celui-là, je l'ai lu. C'est écrit comme ça? Ouais, c'est lui. Ouais, mais c'est pas loin de la vérité en même temps. Non, mais vous avez vu ses cheveux, Estelle, ou pas? Ah, mais elle est magnifique. Depuis tout à l'heure, je la regarde, voilà, je la contemple. Elle est sublime. Vous pourriez... Merci, c'est gentil. Alors, non. Est-ce que vous préféreriez, Benaïm, coucher avec une femme très belle ou avec un homme très moche? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Non, parce que parce qu'on a les deux cas autour de la table. Ça c'est intéressant. Ah, la parole se libère. Vous allez pas dire ça de notre invité, donc c'est pas Jonathan que vous visiez. Vous visiez qui exactement? Non mais nous, voilà. Non mais est-ce que l'homme très laid est superbement intelligent? Non, est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est con comme une pendule? Est-ce que l'homme très laid est puissant? Ouais, est-ce que l'homme très laid est puissant dans les médias? Est-ce qu'il est riche? Il est con comme une pendule, mais il a un blé de dingue. Oh bah moi j'y vais direct. Pourquoi vous pensez à... Ah, je ne sais pas. En particulier, vous avez regardé Siri en disant ça. Non, j'ai dit, est-ce que l'homme très laid est puissant dans les médias? Et c'est pas parce qu'il y a plein de gens. Jérôme, il a fait rince la baignoire. Bien sûr. On aura la réponse. Et je poserai la même question à l'envers à Jonathan Lambert et à Issa. D'accord. Je vous le dis, à tout de suite. J'ai envie de savoir. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Quelle est votre voiture idéale? Il faut qu'elle ait des jantes qui claquent sa mère. Et vous? Qu'elle soit connectée, tactile et avec le Bluetooth. Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulière pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVT-i en location longue durée 37 mois 45 000 km premier loyer 1 750€ sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement voire toyota.fr. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Le smoky des défilés n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue, à l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Et... Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Cet été, partez avec Pocket. Parce que les contes ne sont pas que pour les enfants. Couvrir son cœur ouvre l'esprit. Et parce que si les enfants sont capables de comprendre le sens de la vie, vous devriez y arriver aussi. Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. Un conte pour toute la famille. Actuellement, pour deux livres Pocket achetés, un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Pocket, un livre, une rencontre. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tigolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Quand on arrête de fumer, certaines habitudes sont souvent difficiles à perdre. Comme la cigarette que l'on fume pour se détendre en buvant un verre avec des amis. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'un coach. À tout moment, votre application Tabac Info Service est là pour vous accompagner. En cas de coup dur, vous profitez d'astuces pour surmonter vos envies. Et pour entretenir votre motivation, vous recevez régulièrement des conseils personnalisés de tabacologues. Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Oud gère tout dans la maison. Oud gère tout ce que je veux. Entre son travail, sa famille et ses amis, on a mieux à faire à la maison que le ménage et le repassage. Alors, confiez ses tâches à des professionnels rigoureusement sélectionnés et encadrés par O2. Pour le ménage et le repassage, exigez de vrais experts, des spécialistes que vous trouverez sur O2.fr. Et moi, je vois la vie en mieux, O2. Bonjour patron, dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive ? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle ? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est très à l'aise quand on conduit Citroën C4 Picasso avec Vision 360 et 7 ans d'assistance offerte. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, profitez d'une reprise Argus plus 5500 euros sur Citroën C4 Picasso. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Citroën C4 Picasso AMB 7 ou intérieur 9 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça. Tu retires des euros pour aller à l'Euro? Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Jeux réservés aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h-18h30, Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à Valérie Benaïm, Jérôme Commandeur, Estelle Denis, Jean-Luc Lemoine, Aïssa Maïga est avec nous. Merci Aïssa. On vous retrouve donc dans Bienvenue à Marly-Gaumont qui sort mercredi aux côtés de l'excellent Jonathan Lambert. Alors, je vous ai posé une question il y a un instant, Valérie Benaïm. Est-ce que vous préférez coucher avec un homme très moche ou avec une femme très belle comme Aïssa? J'aime les hommes, voilà. Voilà. Non, quand allez, même, non. Prenez, je sais que vous allez prendre l'homme. Bah oui, ouais, je crois quand même. Elle préfère la banane à l'abricot, je l'appelle. Non mais c'est vrai, je connais. Vous êtes mûr pour le journal de la santé. On a été au paradis du front ensemble, je la connais. Vous, Estelle Denis. Ah moi je vous ai dit, je prends l'homme. Ah oui, ah, vous aussi. Ah ouais. Oui, mais toi tu le prends pourquoi? Non mais, ouais, elle, par habitude. Exactement. Je n'aime pas le changement. Elle apparemment, vu son compagnon, elle aime bien les fruits secs. Allez. Il y a notre imitateur qui voulait absolument rencontrer Jonathan Lambert et Aïssa Maïga. C'est bien sûr Marc-Antoine Lebray qui est avec nous. Les pieds dans le Lebray du fond. Bravo, pas assez de Lebray dans les médias. Aïssa et Jonathan, figurez-vous que Bienvenue à Marly-Gaumont a fait réagir le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Bonjour. Bon, c'est vrai que j'ai vu le film avec les Bleus lors d'une sortie pédagogique. Bon, les joueurs étaient contents, surtout Johan Cabaye. Hein. Ah bah, rester assis pendant 1h30, ça lui a rappelé les matchs de l'équipe de France. Et vous, personnellement, ça vous a parlé, cette problématique de l'intégration, Didier, ou pas? Oui, parce que c'est vrai que j'ai moi-même des problèmes d'intégration. Hein. Oui. Ah bah, j'ai pas pris Benzema, j'ai pas pris Ben Arfa, j'ai pas pris Nasri. J'ai clairement un problème d'intégration avec les cons. Ah. Voilà. Bonne journée. Ça fait plaisir, demain. un plaisir. Ça fait un plaisir à tout le monde, je vous en remercie. On a aussi le plus célèbre des médecins de France qui est avec nous, c'est Michel Simès. Bonjour à tous et à toutes. Votre film qui retrace l'histoire d'un médecin avec humour m'a particulièrement intéressé. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre un proctologue noir et un proctologue blanc? Aucune, ils ont strictement les mêmes compétences. Vous attendiez à quoi, Cyril? Faut savoir, Jérôme Commandeur, non? Et sinon, pour rester dans cette belle spécialité, vous connaissez la différence entre une dizaine d'occlusions intestinales et la SNCF? Il n'y en a pas dans les deux cas. Il n'y a plus rien qui circule à cause de quelques trous du cul. C'est bien, ça fait plaisir. Merci Michel. Non, c'est classe, on aime bien. Allez, on a un de nos grands acteurs qui est là pour nous dire quelques mots, c'est François Cluzet. Ça va François? Vous avez aimé le film? Ouais, non, ça va pas. Enfin, c'est pas mal votre film, hein, mais bon, c'est censé se passer en France, à Marly-Gaumont, et vous êtes allé tourner à Steenkerk en Belgique. Merde! Non, mais franchement, est-ce qu'on a tourné Notre-Dame de Paris dans une mosquée à Istanbul? Hein? Est-ce que Danny Boone est allé tourner Bienvenue chez les Ch'tis en Guadeloupe? Non? Est-ce que Clavier et Renault, ils ont tourné Les Visiteurs 3 dans des chiottes? Bon, ça, c'est un mauvais exemple, mais bon, c'est n'importe quoi! Merde! Avant d'être un film, Marly-Gaumont a été célèbre grâce à une chanson du rappeur Camini. On va donc demander son avis au plus célèbre des rappeurs français. C'est bien sûr notre ami Booba. Bon, je m'en reste, Booba. B2O. Ba. 9 de I. Attention à Nouna, derrière toi. Bra. Rafale de Kalash. T'as je veux dire ou t'as pas je veux dire? Ça, la street. Bon, sinon, bien le film. Au calme. Je voulais dire à Issa Maïga, cousine, t'es fraîche. J'ai un rôle pour Watt dans mon prochain clip. Bah, le rôle, il est simple. Tu me kiffes et tu veux nettoyer mon rumeur en string. Easy. Je me désolidarise, hein, là aussi. Hein. Vas-y, fais pas la gueule, Jonathan. J'ai aussi un rôle pour Watt, cousine. Le hummer, il est grand, j'ai deux strings. Bon, pareil, Hanouna, hein, je suis sûr, si on t'épile et que tu fais un booty check, on peut te prendre pour Shakira. Easy. Ouais, c'est pas sûr. Tout de suite, on va faire un point média, puisqu'hier soir, c'était la première de l'émission quotidienne d'Arthur. Ça n'a pas trop bien marché pour vous, Arthur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux, c'était super, cette première de TPMP. Pardon, c'est la première de 5 à 7. Mais c'est un lapsus révélateur, vous avez dit TPMP, Arthur? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ton émission. Cyril, là, il y a des chroniqueurs autour d'une table, on le discute dans la bonne humeur et la bienveillance, et surtout, c'est en direct. Mais TPMP aussi, c'est en direct. Ah bon? Oui. Non mais là, il y a de la bonne humeur, de la bienveillance, de la décode, et en rubrique marrante, des invités, et surtout, c'est en access prime time, donc rien à voir. Bah c'est comme TPMP, quoi. Bon, ok, d'accord, tu me dois 500 euros, Cyril. Bah pourquoi? Bah c'est le prix que ça coûte pour se faire pomper jusqu'au bout. T'as compris? T'as compris? Merci. Merci. Merci à vous, monsieur. Allez, Aïssa et Jonathan, il reste une dernière personne qui a quelque chose à dire sur votre film, c'est Vincent Cassel. Ouais, salut, ouais. Bon, c'est moi quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Bon, c'était pour dire que votre film est pas mal. Mais si j'avais joué le rôle du médecin, bon, en plus ça tombe bien parce que je viens d'avoir mon diplôme de neurologue. Bon, enfin bref, si j'avais joué le rôle du médecin, ça aurait été un peu court, enfin ça aurait été un court-métrage. Bah, je suis tellement humble, beau, gentil. Bon, enfin bref, si j'avais joué le rôle du médecin, ça aurait été un peu court, enfin ça aurait été un court-métrage. Bah, je suis tellement humble, beau, gentil, intelligent et altruiste, bon, les habitants m'auraient accepté en 7 secondes. Quoi. Non, sauf votre respect, Vincent, vous auriez pas pu jouer ce rôle parce qu'il fallait être noir en fait. Bon, Hanouna, c'est à moi que tu parles. Ah oui, c'est l'olé. C'est à moi que tu parles là, oh! Mais je dis. Bon, je joue ce que je veux moi. Si je me concentre un peu, je peux devenir noir. Bah, je suis un acteur, moi. Hein. J'ordonne à mon organisme de changer son organisation cellulaire et je peux devenir une femme. Tu vois, si je veux, bah, je peux jouer Superman, parce que déjà, bah, je sais voler, normal. Mais en plus, je peux découper des murs grâce à ma vision laser. Ah ouais. Bon, je vous laisse. J'ai mon cours de judo. Faut que j'apprenne des nouvelles prises à Teddy Riner. Ah, très bien. Bah, merci Vincent Cassel. Et je voulais remercier Marc-Antoine Lebray, mon ami Marc-Antoine. J'aime beaucoup. Je voulais remercier Jonathan Lambert, Aïssa Maïga d'avoir été avec nous. Bienvenue à Marly-Gaumont. Ça sort mercredi, comme vous l'avez dit, Valérie. Un film de Julien Rambaldi. Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Jonathan Lambert, Byron Lebly, Medina Diarra. Merci Aïssa, merci Jonathan. Je voudrais remercier aussi mon ami, parce qu'il ne pourrait pas être là avec nous jeudi. Oui. Jean-Luc Lemoine, c'était sa dernière, mon ami Jean-Luc. Alors, je voudrais vous remercier. Je vous remercie, j'ai passé 3 années superbes dans les pieds dans le plat, donc avec tous les chroniqueurs, mais aussi avec toute l'équipe qu'on voit pas, l'équipe rédactionnelle, les réalisateurs et tout. C'était un bonheur de venir chaque jour à Europe 1. Il y a une ambiance exceptionnelle et merci à Jean-Luc d'avoir été aussi bon. pendant ces 3 ans. Merci à tous. On va se retrouver dans un instant. Non, touche pas à mon poste. Bien sûr, on est en direct. Il reste plus que 11 émissions de touche pas à mon poste. Ouais. Ça fond comme neige au soleil. Hein. On vous laisse avec Nicolas Poincaré pour Europe Soir. Merci à tous. Merci, à demain Cyril Hanouna, bonsoir Ombline. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir, dans un instant le journal avec de très forts orages ce soir sur le Nord et le Pas-de-Calais. On retrouvera Lionel Gougelot, notre correspondant à Lille, dès le début du journal. Une demi-heure d'infos avec Isabelle Mies dans 2 minutes. Puis le club de la presse d'Europe 1 entre 19h et 20h, consacré à Hillary Clinton qui est désormais assurée d'être la candidate du Parti démocrate aux États-Unis, et consacré aussi à la grève à la SNCF. Nous recevrons l'auteur du livre noir du syndicalisme. Nos invités seront interrogés par Arlette Chabot, Caroline Roux et Serge Julie. Mais tout de suite la météo, donc Valérie Darmon. On a 15 départements qui sont en vigilance orange, orage, et il y a en ce moment même de très fortes précipitations sur le nord. Oui, des orages violents qui éclatent actuellement en Picardie et sur le nord Pas-de-Calais. Il y a une multitude d'impacts de foudre et d'orages violents localisés et ponctuels, hein, sur les images satellites. On le voit bien, hein. Ils sont accompagnés de grêles. D'autres orages toujours aussi violents vont se développer aussi avec le réchauffement diurne de la Bourgogne à la Lorraine et à la Franche-Comté. Ces cellules orageuses ne se déplacent pas vite, elles sont stationnaires. C'est ce qui favorise des cumuls ponctuels importants. Les intensités estimées sont de l'ordre de 15 à 10 mm par endroit. On a relevé par exemple 31 mm en une heure à Beauvais. C'est l'équivalent de 15 jours de pluie. Et alors comment vont évoluer ces orages ? Eh bien l'activité orageuse va se généraliser. Elle va perdurer en début de nuit sur une grande partie est de la France. Hormis sur les départements du Nord où il pourrait se maintenir tard dans la nuit. Ailleurs, il devrait tout de même perdre de l'activité en cours de soirée. Merci beaucoup Valérie Darmon, et on retrouvera Lionel Gougelot en direct de Lille dans quelques instants. Europe 1, il est 18h30. Europe Soir, 18h30, 20h, Nicolas Poincaré. Au sommaire ce soir, la Société Générale condamnée au prud'homme pour avoir licencié Jérôme Kerviel sans cause réelle ni sérieuse. L'ex-trader obtient 470 000 euros de dommages et intérêts. L'avocat de la société, maître de la Société Générale, maître Jean Veil, réagit en direct sur Europe 1 dans quelques instants. Bonsoir Isabelle Millet. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Le grand journal du soir tout en direct. Et le nord de la France est donc à son tour sous les eaux dès le début de ce